Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans Grand Prix, votre émission 100% Formule 1 sur Next Gen Auto. On va débriefer ensemble ce soir le Grand Prix du Canada qui a eu lieu ce week-end à Montréal. Un Grand Prix marqué par la pluie essentiellement, marqué par pas mal de surprises aussi dans la hiérarchie. Donc on est deux pour l'instant, peut-être trois tout à l'heure pour en parler. Déjà avec moi il y a Franck, salut Franck. Salut Manu, salut le chat. Écoutez, oui, on a eu un très très très joli Grand Prix du Canada, très intéressant, avec beaucoup de conditions changeantes, des choses qu'on apprécie en général et qui pimentent les Grands Prix, et ça n'a pas manqué, même si évidemment le vainqueur n'est pas surprise. La victoire était loin d'être facile pour Max Verstappen, évidemment, encore une fois. Et voilà, donc encore une confirmation que ça y est, on part vraiment pour une saison vraiment d'anthologie. Bah c'est ça, nous savons que ça fait un moment qu'on défend la saison en disant que ça va être un peu mieux que prévu et qu'il ne faut pas s'exaspérer des victoires de Verstappen en début de saison, et force est de constater qu'on avait raison, on peut se jeter des fleurs, parce que c'est vrai que plus ça avance, plus les candidats à la pole et à la victoire sont nombreux. On a vu ce samedi une pole qui s'est jouée à 0 millième de seconde. Russell a fait son même chrono que, donc c'était à 1:12.000, en plus c'était très propre, même chrono que Verstappen mais qu'il l'a fait après, donc pole pour Russell. C'est seulement la deuxième fois de l'histoire de la Formule 1 que ça arrive, que la première ligne soit au même chrono. Le précédent c'était Grand Prix d'Europe 1997. Et puis on a eu ensuite c'était une très belle séance de qualif sur le sec avec globalement des surprises, hein, l'élimination de Perez en Q1, des Ferrari en Q2 notamment, et puis une course sous la pluie. Alors un départ, on va en parler un peu après, mais on a eu un départ arrêté sous la pluie, ce qui n'est pas souvent le cas. Une FIA pas trop interventionniste parce que les pilotes ne se sont pas plaints des conditions de visibilité, et au final une course sur piste évolutive séchante et avec du pilotage déjà, hein, parce que les pilotes ont fait assez peu d'erreurs compte tenu des conditions, et des stratégies différentes qui ont mené à la victoire de Max Verstappen. Mais effectivement, c'est vrai qu'on peut... on peut se féliciter que ce soit pas une victoire facile pour Verstappen, et en fait ça fait un moment maintenant que Verstappen n'a pas eu de victoire facile. Je dirais que ça remonte à sa victoire peut-être au Japon, qui était la dernière la plus facile entre guillemets, mais et là depuis c'est quand même, il doit se battre, soit il perd et soit il gagne de peu, donc c'est plutôt intéressant. Bonsoir à tous et à toutes, hein, qui continuent d'arriver dans le chat. Est-ce qu'on attaque directement par Red Bull ? Est-ce que tu veux faire un préambule sur le spectacle en lui-même et le fait qu'on a eu un week-end très animé et le retour notamment de Mercedes ? Ou est-ce que tu veux qu'on commence directement par les favoris sur Red Bull ? Non, on va quand même commencer un peu de parler de l'environnement du Grand Prix. C'est vrai que du coup le vendredi était un peu chaud aussi en termes de météo, hein, quand même. Ça a quand même commencé avec de la grêle, beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Et d'ailleurs, ça a causé quelques soucis malheureusement pour le public aussi. Il y a certaines personnes qui ont été prises de partir du circuit et n'ont pas pu revenir suite à des mauvaises consignes données apparemment à la police locale. Donc voilà, il y a eu pas mal de petits points noirs côté organisation. D'ailleurs, on va peut-être les citer maintenant. Voilà, donc notamment l'accès aux toilettes, l'accès au circuit, et surtout, encore une fois, un envahissement de la piste au moment du drapeau à damier, ce qui risque de valoir quand même pas mal de sanctions. D'ailleurs, la F1 a été obligée de s'excuser auprès des équipes, ce qui est quand même quelque chose de très très rare pour les couacs de ce Grand Prix. Rappelons aussi qu'il y a un tout nouveau bâtiment depuis, je sais plus, c'est un an ou deux maintenant, mais voilà, qui a pris le retour en 2022, je crois, c'est la troisième année, ouais. C'est ça, qui a pris l'eau du coup pendant la journée du vendredi, donc les cabines de commentateurs qui étaient presque inutilisables pour certaines, sous des parapluies pour d'autres. Enfin voilà, quand c'est un bâtiment qui est neuf comme ça, qui prend l'eau, c'est quand même pas une chose très très rare à Montréal. Donc voilà, ça partait un peu mal quand même. Et puis bon, finalement, ça a pu rouler quand même. Il y a eu des choses très sympathiques. Il y a eu des petites sorties de piste, heureusement, sans gravité. Et voilà, après, on a eu effectivement un week-end assez perturbé par la pluie. Beaucoup moins le samedi que ce qu'on pensait, finalement, puisque la pluie n'a pas perturbé les qualifications. Donc, on a quand même eu des qualifications qui se sont déroulées sur le sec. Donc, ça, c'est quand même... un point intéressant à noter, et malgré tout des surprises, voilà, puisque comme tu l'as dit, une Mercedes en pole position, c'est quand même pas tout le temps, Toto Wolff avait l'air de croire dur comme fer que Mercedes était en train de revenir avec ses évolutions, et force est de constater que pour l'instant, depuis Monaco, en tout cas ça marche beaucoup mieux. Hamilton avait d'ailleurs sorti un tour stratosphérique en libre 3 qu'il a pas réussi à répéter malheureusement ensuite, mais la vitesse de la voiture est là. Alors on l'avait dit, hein, Monaco, Canada, c'est quand même deux circuits assez particuliers. Oui. Le prochain circuit, ça sera Barcelone. Et ça sera le vrai juge de paix. Donc là-dessus, on pourra vraiment plus débriefer sur la performance des monoplaces. Là, on va pas trop s'attarder dessus, mais voilà, on a quand même sur ce coup-là, Mercedes, McLaren et Red Bull qui étaient dans un mouchoir. On a Ferrari, malheureusement, ils ont commencé très très mal le week-end, et on va débriefer effectivement tout ça. Donc voilà, on va commencer effectivement par la victoire de Red Bull et l'élimination de Perez en Q1. On va mixer ça un peu ensemble, effectivement. C'est ça, parce que je vois plein de gens dans le chat qui nous disent parlons de Sergio Perez. Donc on va en parler. On va d'abord parler de Max Verstappen à tout seigneur, tout honneur, comme on dit. C'est vrai que pour le coup, Verstappen fait un week-end que je qualifierais probablement de son meilleur de la saison. Parce que ça part pas très bien et il arrive encore une fois au dernier moment à sortir le tour qu'il faut en qualif pour bien se qualifier. Et puis il fait une course qui est patiente, qui est intelligente. Il cherche pas trop à prendre le lead à tout prix en faisant des manœuvres qui seraient un peu trop tendues, ce qui est pourtant des fois son cas. Et puis derrière, il profite un petit peu de la chance avec la safety car, mais comme il l'a dit lui-même et comme l'a dit Norris, c'est une malchance qu'il a eue à Miami face à Norris, et là c'est lui qui en profite cette fois, donc c'est la course de toute façon. Et à côté de ça, c'était très propre, pas d'erreur, pas de baisse de performance, encore un week-end très constant. Il était un petit peu chafouin comme souvent, parce qu'il a eu du mal à mettre la voiture dans la bonne fenêtre de performance, mais comme à chaque fois, il y arrive au dernier moment et au moment où ça compte surtout. Souci de batterie quand même aussi, oui, aussi pendant les essais, donc c'est quand même pas rien, donc à surveiller pour la suite. C'est ça, parce que oui, il fait c'est les EL, c'est même, je sais même plus quel EL il a eu son problème de batterie. Mais en tout cas, c'est vendredi qu'il a passé une journée, enfin une séance dans le garage. Mais effectivement, après, c'est à voir. Il faudra voir plutôt l'impact que ça aura sur sa saison. Ça n'a pas eu d'impact sur son week-end, même s'il craignait. Oui, c'était les EL2 puisque c'était sur le sec. Et même s'il craignait que ça ait un impact pour son week-end, ça n'en a pas eu. En tout cas, pas en termes de résultats. Et par contre, ça pourrait avoir un impact sur son quota moteur puisqu'il a dû repasser à une pièce précédente, donc c'est un petit peu compliqué. C'est après, moi j'ai pas grand chose de plus à dire sur Verstappen, en fait ça a été encore une fois pour le coup c'est une super victoire et là il a été le plus fort, quoi. Quand même bravo à lui, parce que la Red Bull toujours avec ses problèmes un petit peu d'absorption des vibreurs et des bosses, c'est quand même pas si facile que ça à piloter, en tout cas. Elle était peut-être comme ça effectivement déjà l'an dernier, hein, mais là vu que la concurrence s'est rapprochée, il faut aller escalader vraiment plus les vibreurs, et sur un circuit en plus qui a été refait, qui avait quand même nettement moins de bosses, c'était quand même à signaler, hein, c'était quand même plutôt bien refait pour le coup, au moins côté piste, donc pour mettre ça au crédit des promoteurs, la piste était effectivement très très très peu bosselée. Malgré ça, effectivement, il faut enjamber les vibreurs. Bon, à part la Bon, effectivement, les deux grosses chicanes, celle qui est avant l'épingle du retour et celle qui précède effectivement le fameux mur des champions, devant la ligne droite d'arrivée, effectivement, il n'y a pas besoin. Les autres viewers sont quand même assez plats. Mais ces deux-là, quand même, il faut quand même bien les escalader. Et voilà, il s'est quand même plaint assez souvent pendant le week-end de la rigidité de sa voiture. Mais il a quand même réussi effectivement à faire du Verstappen, c'est-à-dire sortir les chronos nécessaires, la constance nécessaire, sans jamais pouvoir effectivement se détacher non plus de manière très très nette devant. Donc voilà, encore une fois la preuve que la concurrence s'est rapprochée aussi. Et voilà, rien de plus à dire que ce qu'il a fait encore une fois un week-end absolument parfait, je sais pas, mais en tout cas avec la monoplace dont il a qu'il a à ce moment à disposition, il a su en tirer le meilleur parti pour pouvoir effectivement aller gagner cette course, ce qui n'était vraiment pas chose facile pour lui, puisqu'on voyait très souvent la possibilité ou pour Russell ou pour Norris peut-être d'aller le chercher, mais il a quand même malgré tout bien tenu ça, bonne stratégie effectivement, bonne exécution aussi du côté de Red Bull. Donc côté garage numéro 1, rien à dire. Côté garage numéro 11, c'est pas la même chose. Ouais, c'est ça. C'est vrai que... Verstappen, je finirais juste ce que tu dis, week-end parfait ou presque. Je trouve que ces week-ends sont... On sent qu'il est un peu plus dans le dur, en fait, en début, et c'est ça qui est bien, parce que du coup, ça montre que il n'est pas... En fait, il ne peut pas compenser à tout prix tout ce que ne fait pas la voiture. Ça, c'est bien aussi. Ça rappelle un peu à tout le monde que Verstappen, aussi bon soit-il, n'est pas un pilote surhumain. C'est juste un humain au volant d'une très bonne voiture, et un excellent pilote au volant d'une très bonne voiture, mais effectivement derrière il arrive toujours à compenser après ces petites difficultés en allant chercher un chrono, en allant chercher un petit dixième par-ci, en allant chercher une fin de relais par-là, et ça fonctionne toujours bien. Et comme tu dis, dans la numéro 11, ça ne fonctionne pas, puisque Sergio Pérez, éliminé en Q1 pour la deuxième fois de suite, éliminé enfin, n'atteint pas la Q3 pour la troisième fois de suite, donc il a désormais moins de Q3 cette saison que Yuki Tsunoda, si je dis pas de bêtises. Et puis surtout, derrière, il est nulle part en course, en fait, il est encore complètement perdu dans le peloton. Alors il s'accroche avec Gasly au début, donc j'imagine qu'ils vont encore dire qu'il avait des dégâts et que c'est pour ça que la voiture allait pas vite, mais en vrai, il n'arrive pas à la faire aller vite, cette voiture, quoi qu'il arrive. Donc c'est un petit peu compliqué, comme dit Warius, c'est Sergio P16, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de voir Pérez s'effondrer comme ça. En plus de ça, maintenant qu'il a la tête libre, donc normalement, il ne devrait plus être perturbé par toutes ces histoires, puisqu'il a re-signé chez Red Bull pour 2 ans. Mais au final, est-ce que... Alors, je vais aborder un sujet, puisque c'est apparemment un contrat d'un an plus un an avec une option, enfin une obligation de résultat. Est-ce que, possiblement, il peut avoir possiblement plus la pression finalement et que ça lui fasse un peu perdre pied d'avoir un nouveau contrat si tôt où en fait on lui dit bah tu as la confiance de l'équipe mais par contre si tu ne fais pas ce qu'il faut tu seras rapidement viré parce que j'ai du mal à croire qu'il soit devenu mauvais en 3 courses mais c'est vrai que ça fait 3 courses de suite où il n'en a même pas une devant l'autre quoi et donc c'est un petit peu pour Red Bull en tout cas c'est inquiétant puisque ils ont de la chance encore une fois les points se partage entre essentiellement McLaren et Ferrari et puis là un petit peu Mercedes mais arrivera un moment où si Pérez continue sur cette lancée ils vont avoir les autres équipes qui vont revenir. Ouais, effectivement, c'est étonnant, surtout que bon, il devrait être plutôt, rassuré par le fait effectivement qu'il peut continuer dans cette équipe. Bon, Monaco, on peut effectivement passer sur le côté effectivement plus dur de Monaco et encore il était plutôt dans le rythme quand même avant les qualifs, effectivement, là où effectivement on se prend les pieds dans le tapis. Au Canada, il n'était pas du tout là. Et en plus, au Canada, c'est quand même un circuit où normalement les écarts entre les équipiers ne sont pas énormes non plus. Et là, il se prend une valise aussi assez monumentale. Certains pourront dire, ouais, mais Ferrari s'est planté aussi sur. Oui, mais les deux sont plantés au même niveau, on va dire. Donc là, c'est quand même. On a quand même un Verstappen qui réussit quasiment la pole position, puisqu'il fait le temps de la pole. Et on a un Pérez qui finit, c'était pas loin d'une seconde derrière, je crois. Donc ouais, effectivement, extrêmement étonnant. Je sais pas pourquoi il a ressenti, mais en tout cas, là, on l'a senti extrêmement affecté quand même par ça. Et je crois qu'il était aux limites des pleurs, je crois, d'ailleurs, à la fin de la qualification. Il me semble qu'il avait l'air de pas trop comprendre ce qui lui arrivait. Non. J'avoue que c'est. Je commence un peu à croire la thèse d'Helmut Marko qui dit que c'est plus psychologique qu'autre chose. Mais qu'est-ce qui arrive à le toucher comme ça? Effectivement, pour que ça ne marche plus ou marche moins bien. Alors, James Allison a lancé en tant que boutade que les évolutions de la Red Bull sont peut-être dans le mauvais sens. Ce qui n'a pas plu à Christian Horner. Voilà, exactement. Ça n'a pas plu du tout à Christian Horner. Mais, mais effectivement, c'est étonnant. Enfin, c'est extrêmement étonnant. La forme de Pérez a toujours été extrêmement étonnante. Alors, comme un peu la forme de Ricciardo chez McLaren, d'ailleurs. Mais là, ouais, effectivement, en l'espace de 2 courses, il tombe vraiment très, très bas. Ouais. Et sans qu'on puisse vraiment l'expliquer, quoi. Et même chez Red Bull, on n'a pas su l'expliquer. Je veux dire, Horner et Marko ont tous les deux été interrogés là-dessus depuis les qualifications et la course. Il n'y a pas vraiment d'explication sur ce week-end horrible. Voilà, c'est vraiment le terme qui a été utilisé par Horner, c'est le week-end horrible de Checo. Mais c'est ça. Alors, le week-end horrible, certes, mais on garde quand même le soutien, on garde tout ça. Mais bon, ben voilà, Marko a fait du Marko. Marko a vendu la mèche sur le fait qu'il y avait des clauses de performance qui étaient un peu plus accrues et tout. Et Horner a été un petit peu obligé de dire que oui, certes, c'est un contrat de 2 ans, comme ça a été annoncé. Mais en fait, oui, effectivement, c'est du 1 an plus 1 an, voire peut-être même moins. C'est en gros, à mon avis, les clauses de performance, elles ont été nettement augmentées. Je sais pas s'il y a une clause du type tu finis au moins une deuxième championnat parce que ça veut dire que Verstappen finirait tout le temps premier donc c'est peut-être un peu plus difficile à qualifier comme ça mais peut-être voilà il doit marquer au moins la moitié des points ou 60% des points de son équipier enfin peut-être ce genre de clause histoire d'avoir l'apport de sortie nécessaire et on sait très bien aussi que chez Red Bull Helmut Marko voulait faire dégager Sergio Pérez et si Pérez reste c'est plus la volonté de Christian Horner qu'autre chose donc donc voilà c'est je pense que Sergio il est peut-être aussi victime de ça aussi en interne peut-être qu'il sait qu'il n'est pas aussi unanimement soutenu que ça. Helmut Marko la ferme un petit peu pour l'instant parce qu'il y a entre guillemets une sorte de trêve qui est signée en public. Mais je pense qu'effectivement, en arrière-plan, dans les garages, ça doit quand même secouer un peu dans les bronches. Et que Pérez ne va pas pouvoir rester comme ça très longtemps parce qu'il s'est bien fait charrier aussi en conférence de presse d'après-course par Norris et par Russell qui ont dit à Max il vaut mieux deux voitures en ce moment qu'une seule. Quoi. Et effectivement, en termes de points comptables au championnat constructeur, ça se ressent. Quoi. Ils n'ont pas, ils ont pas tort de toute façon. Alors, bonsoir à Carlos et à Slovic qui postent pour la première fois dans le chat. Bienvenue à vous. Et Slovic demande, est-ce qu'ils ont changé le châssis depuis Monaco? Oui, a priori, puisque de toute façon, la voiture avait été pulvérisée. Donc, je pense que c'est un autre châssis qu'ils ont changé. Après, c'est la même spécification de châssis qu'il avait avant, de toute façon, puisque le châssis n'a pas évolué depuis le début de saison chez Red Bull. En tout cas, pas depuis les grosses évolutions qu'ils ont eues au Japon, je crois. Mais après voilà c'est vrai que c'est un petit peu incompréhensible pour Pérez et le problème c'est que alors Xuan se dit la voiture était très mauvaise en début de week-end, oui mais c'était pas la seule, il y a d'autres voitures qui étaient mauvaises en début de week-end, notamment l'autre Red Bull et tout ça, et tout le monde progresse entre les essais libres, lui il a eu des roulages pas trop perturbés en essais libres à part la pluie mais tout le monde l'a eu, et au final la qualif se fait sur le sec, donc dans des conditions normales, même si la piste était verte, évolutive et tout ça, il n'y a pas de souci, mais elle était quand même normale, et il se prend 9 dixièmes. Enfin, l'écart de 9 dixièmes sur un tour en 1-12, ou en 1-13. Au Canada, où il n'y a pas... Au Canada, où, ouais. Comme tu me disais ce week-end, c'est un circuit de ligne droite, essentiellement. Moi, je trouve que c'est hyper inquiétant, parce que on imagine qu'une performance comme ça, sur un circuit compliqué comme Singapour, il prend 1,5 secondes, 1,8 secondes. Et c'est inadmissible, puisque il prend 1 seconde, et que sur beaucoup de Grands Prix, 1 seconde, c'est ce qu'il y a entre le 2e et le 20e en Q1, quoi. Donc moi, j'essaie de pas tirer sur l'ambulance, parce que on connaît Pérez, il a des hauts et des bas, mais là, il était jamais tombé aussi bas que ce week-end, je pense. Et pour moi, Red Bull doit commencer déjà à s'inquiéter de savoir ce qu'il va falloir faire de lui. Parce que c'est pas possible, et je pense qu'il pourrait leur faire perdre le titre constructeur, ça me paraît évident qu'il va être mis à mal si ça continue comme ça, et le titre pilote si Verstappen se continue à jouer tout seul face à, comme il disait en conférence de presse, face à deux Ferrari, deux McLaren et maintenant deux Mercedes, qui auront elles le choix des stratégies, tout ça, ça peut finir rapidement 3-4 à chaque Grand Prix, peut-être 4-5, et les points perdus vont vite s'accumuler, donc c'est assez compliqué. Et moi, c'est vrai que là, Pérez, il n'y a pas d'excuse, en fait. C'est ça. Et le problème, c'est que Red Bull ne sort pas. Souvent, quand il fait des mauvaises courses, Red Bull dit oui, il y avait des dégâts sur le châssis, on avait des dégâts sur un aileron, on a eu des problèmes en début de course, on a eu ci, on a eu ça. Et là, il n'y a même pas eu de. Il n'y a pas eu de justification, quoi. Gasly et Albon ne faisaient même pas le tiers de ce genre de mauvaises prestations qu'ils étaient déjà rétrogradés dans l'équipe. Parce qu'eux, ils faisaient quasiment que des Q3 et ils faisaient des top 6 avec une voiture qui était pourtant pas aussi bonne. Et ils avaient été rétrogradés. Et là, c'est ils étaient à 3, 4 dixièmes grand maximum. Ouais. Parce que Pérez prend à peu près un tarif moyen. Mais Pérez en tarif moyen, si tu élimines ces courses comme le Canada, oui. c'est 3, 4 dixièmes en moyenne. Mais sinon, c'est effectivement très souvent des pics à 9 dixièmes, une seconde, que des fois il se prend de manière totalement inexpliquée. Quoi. Et là, pour le coup, effectivement, c'était pas expliqué du tout. Donc en post-qualif et en post-course. Les dirigeants n'avaient aucune explication pour la prestation de Pérez, et c'est plutôt ça moi qui m'inquiète. Et encore, il se serait fait prendre par la pluie ou par autre chose, oui, ben voilà, ça arrive de se faire avoir par les conditions qui changent, mais c'était même pas le cas. Les seules choses effectivement où on aurait pu faire un pari, ce qui d'ailleurs on en parlera tout à l'heure, ce qui a coûté à Ferrari, c'est de pouvoir effectivement de ressortir directement en Q2 avec des pneus neufs parce qu'on craint l'arrivée de la pluie, et c'est pour moi une réaction logique d'un team, effectivement, de vouloir rassurer effectivement rapidement, parce que tout le monde s'attend à ce que la pluie tombe derrière. Bon, maintenant chez Ferrari, ils n'ont pas toujours d'avoir les mêmes radars météo que les autres, mais ça c'est encore un autre débat. Mais même sans ça, ça finit pas à 9 dixièmes, quoi. Au pire, tu fais ton tour 10 minutes plus tôt que les autres. Bon, la piste elle est peut-être un peu moins gommée, mais tu ne prends pas 9 dixièmes, quoi. Tu te prends peut-être effectivement 2, 3 dixièmes dans la vue, mais pas 9, quoi. Là, malheureusement, il n'y a que Pérez et l'équipe, éventuellement, qui peuvent avoir explication pour nous. À part spéculer, malheureusement, on ne peut pas faire plus que ça. C'est ça. Alors, Freddy demande si Red Bull veut la perte de titre constructeur, Pérez pourrait-il perdre son baquet? Ça, très probablement, parce que, en tout cas, s'il n'est pas au niveau des clauses qui sont dans son contrat, il est très probable qu'il puisse être renvoyé chez RBF1 et que Tsunoda prenne sa place, par exemple. Peut-être pas dans ce contrat actuel qui a été signé il y a oui. 2 ans. Mais pour l'an prochain. Mais pour le prochain, effectivement, je pense qu'il doit savoir qu'à mon avis, ce genre de prestation-là, ça ne pourra plus passer. Quoi. Et Nutelica demande la question fameuse que j'ai vue tout le week-end. Est-ce que Pérez n'est surtout pas là pour vendre des canettes en Amérique centrale et en Amérique du Sud? Alors j'ai creusé ce week-end un petit peu ce sujet, puisque j'entendais beaucoup de réponses à ce niveau-là. Il ne s'est pas vendu plus de canettes de Red Bull au Mexique entre janvier 2021 et décembre 2023. On a des variations selon les mois, selon la saison et tout ça, mais à 2 ans, enfin 2 ans jour pour jour quasiment, on est sur le même volume de vente de Red Bull. Donc pour moi, c'est pas ça. Alors le merch, apparemment, ils vendent 60% du merch, oui, au Mexique. Mais bon, encore une fois, quelle est l'ambition de cette équipe si elle préfère avoir une voiture première et une voiture 16e et vendre du merch plutôt qu'avoir une voiture première et une voiture deuxième et vendre un peu moins de merch? Enfin, moi, pour moi, c'est, si c'est ça, c'est juste ça, c'est un aveu d'échec absolu de la politique de Red Bull qui dit oui, bah, de toute façon, les résultats sportifs, c'est pas le but de notre équipe. Et auquel cas, quand tu as ce message-là qui est envoyé alors que tu viens d'empiler 3 titres, pilote et constructeur, enfin 2 titres constructeurs, c'est un gros problème quand même. Donc, j'ai du mal à. Enfin, moi, pour moi, si c'est juste ça, c'est presque encore pire que d'autres idées qu'on peut avoir sur les difficultés de Pérez. Non, en plus, ils ont admis avoir longuement considéré, par exemple, Carlos Sainz, quand même, le retour de Carlos Sainz. On a un petit peu parlé pendant les lives spéciales sur les transferts qu'on a fait entre les différentes émissions de Grand Prix. Donc, ils ont quand même vraiment songé, effectivement, à le remplacer. Maintenant, pourquoi ils ne l'ont pas fait? Ça, c'est un autre débat. Malheureusement, on n'est pas dans tous les secrets. Voilà, on a les rumeurs, on a les tendances, on a les discussions. On n'a pas après la fin des décisions. Ils ont l'air quand même de mettre en avant à chaque fois, comme effectivement que Pérez est une figure en Amérique du Nord, en Amérique centrale. Ce qui est vrai, hein, parce qu'en termes de merchandising, il en vend apparemment plus que Max Verstappen. Donc voilà. Même aux États-Unis aussi. Donc. Voilà, effectivement, il y a comme aussi beaucoup de latinos aux USA, et ça s'explique aussi. Maintenant, comme tu dis, Manu, je te rejoins à 110%, tu bases pas ton équipe uniquement sur le merch et sur l'image que tu as dans un pays en particulier, ou même une région en particulier, si derrière tu finis pas premier du championnat constructeur. Jusqu'à présent, ça passait, ils pensaient que ça pourrait passer encore que le début de saison de Pérez. Maintenant, s'il se reprend au prochain Grand Prix, bon, voilà, on aura oublié et il faudra pas retomber dans ses travers, mais si ça continue à se multiplier, ils seront obligés d'agir, c'est sûr. Ouais, alors Royus nous dit « Toutes les équipes de F1 ne cherchent qu'à faire du pognon avant tout. C'est la nouvelle rentabilité des équipes liée à l'instauration du budget de cap et la revitalisation du championnat par Liberty Media. Le sport est devenu secondaire, il n'y a que Ferrari qui joue encore le sport. » Mais moi, je ne suis pas d'accord. Les équipes font beaucoup de business, mais le choix des pilotes n'est pas drivé pour, en tout cas, les top teams par le fric. McLaren a Norris et Piastri qui n'apportent pas de budget. Et pourtant, ils ont 50 sponsors à côté, donc ils veulent de la rentabilité. Le groupe McLaren veut de la rentabilité puisqu'ils sont aussi en Extremi, en IndyCar et en Formule E. Mais il n'y a pas de, ils lésinent pas sur le duo de pilotes. On prend 2 jeunes pilotes qui rapportent rien parce qu'on veut gagner. Et à force est de constater que ça marche. Ferrari, ils ont aujourd'hui Leclerc et Sainz. Ils auront Leclerc et Hamilton l'an prochain. Et Hamilton, bon, c'est un peu particulier parce que lui, c'est un choix et sportif et commercial. Mais c'est presque le seul. Et c'est pareil, et si Mercedes l'an prochain ils ont Russell et Antonelli, c'est pas pour le fric qu'ils rapportent, c'est parce qu'ils veulent des jeunes pilotes qui fonctionnent. Et moi je pense pas que les top teams doivent... Tu me dirais As, je dirais oui éventuellement, et encore que ils le font de moins en moins. Williams pareil, mais c'est pareil, maintenant ils ont décidé d'arrêter, Sargeant va sûrement dégager, et ils cherchent des pilotes expérimentés, donc, et en fait il n'y a plus besoin de ça. Et si Red Bull se décide de faire encore ça, c'est soit qu'ils ont peur que d'autres sponsors partent, parce qu'il y a l'affaire Horner qui est toujours en sous-marin au fond de tout ça, soit parce qu'il manque d'ambition. Mais en tout cas, moi, pour moi, c'est un vrai manque d'ambition. Et en parlant de manque d'ambition, Gernat, qui poste pour la première fois dans le chat, bienvenue à toi, dit ils veulent juste que Verstappen soit tranquille. C'est possible, mais si c'est ça, c'est jouer avec le feu, puisqu'on sait que laisser un pilote tranquille devant, c'est le laisser tout seul devant, face à d'autres équipes. Donc pour moi, c'est pareil, c'est manque d'ambition aussi. Et encore une fois, quand on enchaîne les titres comme ça, et de toute façon, Verstappen n'a peur de personne, je pense, puisque Verstappen est le meilleur sur la grille. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas prendre un peu mieux, en fait. On ne demande pas d'aller chercher un Norris, encore que Verstappen avait dit que ce ne serait pas un problème, mais on ne demande pas d'aller chercher un Norris ou un Leclerc ou un Hamilton ou un Russell. On demande d'aller chercher un Tsunoda, qui est quand même très bon, ou quelqu'un comme ça. Donc moi c'est un peu, je suis un peu sceptique sur tout ça. Et pour moi aussi, à Varius de mon côté, la F1 n'est pas encore un sport, heureusement, peut-être pour l'instant en tout cas, où les équipes doivent reverser des dividendes à des actionnaires, ce genre de choses. C'est surtout pour l'instant encore possédé par des constructeurs. Il y a quelques exceptions effectivement avec quelques propriétaires individuels. On peut penser aussi à Mercedes, voilà, puisqu'on a un triple actionnariat Mercedes, Jim Ratcliffe et Toto Wolff. Mais ces gens-là, ils sont pas là pour récolter du pognon spécifiquement. Mercedes le fait parce qu'ils sont rentables maintenant, parce que sous l'ère du budget cap, ils rapportent beaucoup plus en termes de sponsors, en termes d'image, tout ça. Donc effectivement, ils sont devenus rentables. Donc c'était aussi la promesse faite par Liberty Media, et ça arrive. Mais ils sont pas là pour s'en mettre plein les poches. Enfin, c'est pas du tout leur but. Si Toto Wolff pouvait dépenser 50 millions de plus pour son équipe parce que les règlements le permettraient pour la rendre plus rapide, il le ferait sans aucun souci. Mmh. Voilà, les quelques actionnaires qui pourraient chercher à faire du business là-dessus, ben alors au rigueur, je pourrais vous dire, moi j'irais plutôt voir du côté de chez Alpine et des 24% qui ont été vendus aux investisseurs américains, qui sont là vraiment, et ça a été clairement dit, pour aider Alpine à faire du business, à valoriser l'image et à faire croître la valeur de l'équipe. Et ceux-là, effectivement, à terme, ils vont chercher à retrouver leur bille et à faire de l'argent sur leur compte. Donc c'est peut-être même le seul exemple que je peux vous donner concret d'arrivée d'actionnaires récents en Formule 1 qui veulent faire du business avec et en tirer du pognon plus tard. Donc on n'est pas chez Ferrari, chez McLaren, chez Red Bull, on est bien chez Alpine. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, on n'est pas dans un top team. Voilà. Mais bon, après, il y a aussi la théorie selon laquelle Verstappen, au cas où Verstappen partirait, ils veulent garder de la stabilité. Mais encore une fois, je ne vois pas en quoi avoir un pilote qui rate trois fois la Q1 de suite avec quand même au moins une des deux ou trois meilleures voitures du plateau, sinon la meilleure, parce que la Red Bull est quand même une des plus constantes, soit un point de stabilité. Donc ça c'est un petit peu, enfin moi je suis un peu sceptique. Et le dernier point dont on voulait parler sur Pérez nous fait un peu passer au point suivant, c'est la FIA, puisque Pérez donc a eu son accident, il a tapé avec l'aileron arrière, il est rentré au stand, il est rentré au stand avec l'aileron cassé et au ralenti, mais il a roulé en perdant des morceaux de carbone pour éviter de déclencher une safety car qui aurait pénalisé Verstappen. Pour ça, il a eu 3 places de pénalité sur la grille du prochain Grand Prix, et c'est tout. Et une amende pour Red Bull. Et beaucoup se disent que c'est pas assez, assez sévère, puisque ça pourrait impliquer que les équipes décident de prendre des risques en piste pour éviter les safety cars quand il y a des trucs comme ça, et bah, justement faire que les pistes deviendraient impraticables avec des morceaux de carbone ou quoi, mais qu'elles préfèrent prendre ces risques-là plutôt que de jouer la sécurité et de laisser les commissaires intervenir. Et qu'en fait, c'est tellement pas cher payé qu'il vaut mieux faire ça plutôt que d'abandonner ou de faire rentrer une safety car. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu penses qu'il y a une dérive ? Parce que, alors, Will Buxton est allé très loin en parlant de quasiment de Crashgate 2008, en disant que Red Bull avait joué la victoire comme ça. Bref, moi je suis un peu là, je pense qu'il allait trop loin. Mais est-ce que tu penses quand même qu'il y a une boîte de Pandore qui s'est ouverte avec ça ? Ah, une demi-boîte, on va dire. Effectivement, éviter une safety car, mais je veux dire c'est même le... Là, effectivement, c'était tellement évident que c'était pour ça. Mais voilà, mais sûr, ça n'a choqué personne sur le coup. Je veux dire, tout le monde essaie d'éviter que son équipier cause une situation de drapeau jaune ou de drapeau rouge, que ce soit en qualification d'ailleurs. Hein, voilà, clairement, il y a plein d'exemples aujourd'hui en Formule 1 où on demande effectivement aux deux pilotes de bien se tenir, surtout si un est en tête, et d'éviter une safety car. Donc, Pérez, il a malheureusement très légèrement raté son freinage sur le fond du circuit. Il est sorti sur la trajectoire humide. Il a tapé du coup de l'arrière, et en repartant, de toute façon c'était aussi à double tranchant pour l'équipe, parce qu'il aurait aussi très bien pu perdre son aileron arrière en plein milieu de la piste. Est-ce qu'on aurait déployé une safety car pour ça? Peut-être pas, peut-être une virtual safety car aussi, mais ça aurait pu être aussi très pénalisant pour Verstappen. Donc voilà, non, je pense pas qu'il y ait matière à en faire effectivement un scandale, en tout cas pas un scandale. C'est le jeu, je pense, de jouer avec le règlement. C'est-à-dire que vous avez un point de règlement qui vous dit que il y a une safety car qui sortira à tel ou tel moment. Si vous, dans votre intérêt, c'est de ne pas la faire sortir, vous faites en sorte que ça sorte pas. Après, le côté dangereux de perdre des pièces, je veux dire, vous pourriez le faire tout le temps à ce moment-là. Je veux dire, Carlos Sainz qui perd une partie de son aileron avant aussi. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver sur en termes de collision ou autre. Vous perdez des éléments, ou vous roulez en piste avec quelque chose qui est un peu arraché ou autre. Je veux dire, on peut pas. Là, c'est parce qu'il y a eu effectivement le message radio clair, voilà, que c'est arrivé. Mais je veux dire, Il n'y a même pas, c'est même pas besoin d'expliciter, c'est tellement implicite pour les pilotes qu'ils doivent tout faire pour éviter une safety car si et surtout si leur équipier est en tête d'une course. Donc voilà, je ne pense pas qu'il faille en faire plus que ça. C'est un cas voilà, qui est arrivé là, qui est assez évident, qui a pu faire penser à, mais je vous avoue que moi, sur le coup, sur le Grand Prix et même sur les déclarations d'après-course, personne n'y a pensé. Non. Je veux dire, c'est vraiment Will Buxton presque qui a mis lui tout seul les pieds dans le plat. Il dit, tiens, je tiens un truc là. Si ouais, il s'est dit, on me dit trop souvent que je suis pro F1, je vais changer. Mais non, mais moi, on va pas beaucoup débattre parce que je suis totalement d'accord avec toi. Et en fait, moi, pour moi, le truc, c'est que quand un pilote a un bout d'aileron qui pend, la FIA maintenant lui tend un drapeau, ses doigts et orange, pour qu'il rentre. Faire quelque chose. Donc à partir de là, si tu fais la même chose sur son aileron arrière, et ben tu lui tends le drapeau noir et orange, tu l'obliges à rentrer à la fin du tour. Mais du coup, le fait de rentrer au stand n'est pas illégal. Et comme le dit Xoad, si jamais on commence à dire ça, tu peux dire un pilote qui a une bande de roulement qui est crevée, il va pas rentrer. Du coup, il se rentre sur le côté, et sa course elle est finie. Donc moi je suis je pense que là c'est n'importe quoi. Et comme dit Warius, c'est pas une boîte de Pandore, c'est un pilulier de Pandore. Mais effectivement, c'est pas très gros. Non, je pense que là, il y a eu 2-3 voix qui se sont échangées, qui se sont élevées contre ça, quelques journalistes aussi. Enfin, non pas que Buxton ne soit pas journaliste, mais d'autres journalistes. Mais je trouve que c'est un non-sujet pour moi. Mais on voulait quand même parler de la FIA, puisque on s'est fait la réflexion tous les deux qu'on n'avait pas grand-chose à leur reprocher ce week-end, et même qu'on avait des compliments à leur faire. Ouais, gestion de la course quand même, super. Ah, quand oui. Même. Voilà, ils ont laissé partir effectivement les pilotes à l'heure sur une piste bien humide quand même. Hein. Voilà, ouais. Il n'y a pas eu de tour de safety car en préambule pour vérifier que tout va bien, ou 2-3 tours de vérification avec voilà. Après, certes, ils auraient pu se réarrêter sur la grille, on aurait perdu 2-3 tours sur la course. Non, ça a été direct. Hein, voilà. On part à 14h heure locale, directement tour de formation, puis tour de départ lancé. C'était parfait, c'était bien géré. Bon, après aussi, ils ont eu la chance qu'il n'y ait pas eu des averses non plus énormes aussi. Ça les a aussi sauvés, hein, on va dire ça aussi comme ça. Heureusement qu'il n'y a pas eu de grosses averses à gérer derrière, parce qu'après, effectivement, la question du drapeau rouge serait intervenue. Donc, ils ont été fidèles à eux-mêmes. D'ailleurs, je trouve que c'est le commissaire. Bon, c'est souvent quand il y a Warwick, d'ailleurs, qui est commissaire sportif, où ils sont un peu plus, je trouve, assez juste, d'ailleurs. Quand j'ai Warwick, il y a quand même plus la notion de ce que reçoit un pilote et puis ce qu'il faut juger ou pas. Oui. Il n'y a pas eu de scandale entre guillemets, voilà, même la voilà la petite accrochage entre Piastri et Russell, voilà, ça n'a pas non plus été jugé hors de propos, voilà, à 6 temps de course. Je veux dire, voilà, non, la FIA très très bien ce week-end, elle a bien géré, elle a même su avancer le départ. Surtout ça, j'ai dit, c'est la première fois que ça nous arrivait, effectivement, c'était pendant les EL1, effectivement, on avait prometté un départ au bout de 25 minutes, puis finalement, ils se sont rendu compte que ça séchait tellement qu'au bout, c'était au bout de 21 minutes, du coup, donc les équipes ont même dû être un peu surprises de devoir réavancer le lancement en piste, voilà, donc comme quoi, si la FIA peut aussi décider, si les conditions vont bien, de réavancer l'entrée en piste, donc ça, c'était, voilà, ça m'a vraiment bien surpris. Bah, c'est pas mal qu'ils aient un petit peu, ouais, qu'ils soient un peu moins rigides, surtout sur des EL1, quoi, on s'en fout un peu. Et puis nous aussi, côté personnel, pour le travail médiatique, ça aussi était un bonheur de voir les conférences toutes les trois conférences de presse qui tombaient. On travaille aussi beaucoup avec les transcripts, voilà, les transcripts des conférences. Il y avait notamment aussi une conférence sur les F1 2026 où Tomasi et Monchot se sont un peu plus expliqués sur la philosophie du règlement 2026, et ce transcript là est aussi tombé très très rapidement pour effectivement aller dépiauter un peu toutes les déclarations. Donc vous avez retrouvé 90% de ce qui était intéressant sur le site pendant le week-end. Donc voilà, aussi un bon petit craquito, allez, pour reprendre les termes d'une émission concurrente et d'un ami sartois. Voilà, quelques craquitos pour la FIA pour une fois, au moins de donner de notre côté. On verra s'il le reprendra à son compte ou pas. C'est ça. Alors moi, c'est vrai qu'il y a eu 2-3 pénalités qu'on fait un peu débat, ou absence de pénalité. Sainz qui n'en a pas pris pour avoir relâché les freins alors qu'il était au milieu de la piste en tête à queue. C'est vrai que je crois qu'une fois, ça avait été puni, mais bon, il n'y a pas, enfin, le précédent, j'ai même pas réussi à retrouver le précédent, il me semblait qu'il y en avait un, mais j'ai pas trouvé. Et la pénalité de Ricciardo, que Clovis dit d'être un peu bizarre, mais après, ils avaient dit que maintenant, il y aurait un jugement qui ne serait pas que du capteur sur les départs. Non, moi je trouve celle de Ricciardo plutôt justifiée, parce que mine de rien, quand vous commencez à avancer les roues, c'est quand même autant de points de grip à pas trouver. Et bon, après, surtout voilà. Sur les pluies. Voilà, donc l'embrayage qui collait un peu, ou enfin voilà, qui avait même plus de friction que prévu, surtout effectivement, comme tu dis, en plus surtout sous la pluie, c'est forcément une petite tête supplémentaire au départ pour l'un pilote. Et non, le pilote doit rester stationnaire, il ne doit pas justement, même si vous avancez à un centimètre par heure pour ben vous avancez et vous êtes du coup moi c'était plus qu'un centimètre par heure là, c'était un centimètre par seconde on va dire, voire même un peu plus, mais voilà, on voyait clairement sa voiture qui avançait bien avant le signal, même si elle avançait pas très vite, elle avançait quand même, donc non, pour moi ce coup là je suis désolé, c'est justifié, donc ouais. après c'est peut-être effectivement une faute technique, hein, c'est certainement une faute technique, mais du coup après je trouve qu'il a pas non plus, c'était pas été très cher payé, hein. les faux départs en général en F1 c'était plutôt souvent du stop and go, enfin drive through ou stop and go, donc là 5 secondes sur le temps de course, c'est pas cher payé. Non, alors Zoaz dit Grosjean n'avait pas été sanctionné à Barcelone pour ne pas avoir lâché les freins. Lui, il a été sanctionné pour avoir réaccéléré en 2018. Il part en tête à queue et en fait, il lâche pas les gaz, il appuie et il fait la fumée, l'écran de fumée qui ensuite provoque le chaos derrière. Donc, c'était un petit peu une situation différente ce jour-là. Est-ce que c'est toujours un capteur qui fait foi? Justement, non, en fait, c'est maintenant, ils ont vu qu'il y avait eu un débat la dernière fois que le capteur avait fait foi, ils ont dit que maintenant il y aurait un élément humain, alors qu'on apprécie ou pas, mais qui jugerait aussi en parallèle du capteur, parce que des fois le capteur ne prend pas ne juge pas qu'il y a pénalité parce que la pilote accélère en étant un peu en retrait dans son emplacement et ça ne passe pas le capteur et tout, donc il y a des choses comme ça où il y a eu des situations qui étaient un petit peu limites et du coup ça crée des situations qui sont parfois un petit peu limite, mais là, ça m'a paru plutôt justifié, personnellement. C'est dans la tolérance, effectivement, que ça se joue. Après, par exemple, tous les petits soubresauts aussi, quand vous passez la première aussi, voilà, il y a un petit soubresaut sur la monoplace qui est pris en compte aussi par les capteurs. Donc il y a forcément une petite tolérance. Hein. Ça peut pas être, non, pouvait pas être non plus du statique fixe, planté sur les freins, parce que c'est pas le but non plus. Mais effectivement, voilà, il y a des petits cas où effectivement, on s'interrogeait tous de voir les monoplaces un peu bouger, pas de pénalité. Donc c'est pour ces cas-là effectivement que l'œil humain sera jugé. Donc en fait, ce que vous voyez à la télévision, si vous dites mais il a bougé là, et en fait c'est pour ce genre de cas-là que la FIA effectivement est autorisée à intervenir de manière humaine sur le jugement d'un faux départ. Exactement. Du coup bon, on va quand même avancer dans cette émission et passer à l'équipe suivante qui est McLaren. McLaren avec la deuxième place de Lando Norris, la cinquième d'Oscar Piastri. L'équipe renforce sa troisième place au championnat et se rapproche de Ferrari puisque Ferrari n'a pas marqué de points et globalement c'est encore une fois, alors McLaren est toujours un peu short pour jouer la victoire, notamment parce qu'ils étaient un peu short pour jouer la pole, ils étaient en deuxième ligne, mais malgré tout on voit une équipe McLaren qui continue à être très solide et qui continue à être performante sur tous les tracés. Alors bon, il y a eu le petit couac de stratégie, enfin de comment dire, la safety car rentre et en fait McLaren n'avait pas dit à Norris que s'il y avait safety car il fallait qu'il rentre et du coup le temps de prendre la décision, il avait passé l'entrée des stands et il a dû s'arrêter au tour suivant, ce qui l'a renvoyé en troisième place. Mais c'est vrai que son run à ce moment là où il avait 15 secondes d'avance, il prenait 2 secondes et demie d'avance au tour sur les autres, il volait et la safety car pour lui est rentrée au pire moment. Et puis après ils ont tenté un overcut pour reprendre Russell et Verstappen, mais l'overcut donc c'est resté un peu plus en piste pour ressortir devant en ayant fait des meilleurs tours avant de rentrer, sauf parce qu'il avait un très bon rythme, sauf que la chauffe des pneus l'a un peu pénalisé et du coup il a pas réussi à rester devant Verstappen, mais globalement c'est plutôt positif pour McLaren malgré le fait que Norris a commencé par un simple c'est pas de chance pour finir par un l'équipe a pas fait son travail en gros. Ouais, effectivement, ça change un peu de ton entre le HO à la sortie de la monoplace et la conférence de presse donnée devant les médias une demi-heure, trois quarts d'heure après l'arrivée, c'est après le timing. On peut comprendre qu'il est déçu, hein, parce que de toute façon, cette course entre Russell, entre Norris et Verstappen, c'était les trois méritaient de la gagner finalement. Hein. Personne n'aurait été surpris que ce soit un de ces trois-là et pas Max qui. Voilà, ces trois-là, mais y compris Max qui la gagne. Comme tu dis, effectivement, Norris, il volait en début de course. C'était vraiment impressionnant. Petite erreur stratégique. Alors, ça se joue à une seconde et demie ou à deux secondes, je crois. C'est d'après ce que dit André Stella sur la décision. Ben, voilà, Red Bull a un petit peu glossé pendant le Grand Prix, disant que c'était un peu le payback de Miami. Bon, c'était pas tout à fait la même situation non plus, mais y avait un peu de ça aussi. Et puis, c'est bien, ça donnait aussi un petit peu de l'occasion de voir que même si Verstappen était devant, mais il n'arrivait pas forcément à les décrocher facilement derrière, et que du coup, ben voilà, on a vraiment un championnat qui est extrêmement serré entre trois ou quatre équipes. Maintenant, on va attendre quand même Barcelone pour confirmer tout ça. Et McLaren, effectivement, la première fois qu'ils marquent quand même des points en 10 ans au Canada. C'est quand même, ça faisait quand même depuis 2014 qu'ils n'avaient pas marqué au Canada. Ouais. quand même le souligner. Bon, ça fait très très long quand même. C'est vrai que les deux seules années où ils avaient une bonne voiture, c'est 2020 et 2021. On n'allait pas au Canada, donc c'était pas de bol. C'est ça. Donc voilà, c'est quand même à noter. Et puis voilà, il marque 28 points, donc c'est le plus haut total de points du week-end. Oui, puisque c'était 25 points pour Red Bull. Voilà, donc. Pourquoi on voit l'intérêt d'avoir un deuxième pilote qui marque des points aussi. C'est ça. Et je crois même aussi que Mercedes était à 28 points aussi, il me semble, sur le total marqué. Ils finissent 3 et 4, ça fait 15 et 12, plus le meilleur tour. Ça fait 28 aussi, c'est ça. Et quand même Mercedes et McLaren qui ont marqué le plus de points ce week-end. Donc c'était assez équilibré, du coup, à 3 points près, 28 et 25. Ferrari qui fait la gueule, on verra après. C'est ça, mais donc voilà, McLaren ils confirment eux par contre que leur monoplace ça n'est pas du tout délicate, voilà, parce que Red Bull certes sauve les meubles à Imola et sauve les meubles aussi au Canada, mais ils étaient un peu nulle part à Monaco. McLaren était bien là à Imola, était bien là à Monaco et bien là au Canada. Ils confirment vraiment bien que Miami aussi, donc ça, voilà, confirme donc que la MCL38 est vraiment une très très bonne monoplace. Alors maintenant, on va chaque fois reparler un peu de Barcelone, à confirmer à Barcelone sur un circuit de plus d'aéro sur ce coup-là. Mais voilà, McLaren est à améliorer en qualif, je dirais, parce que c'est toujours leur point faible. Ils le disent eux-mêmes. En fait, ils n'arrivent pas vraiment, ils se qualifient moins souvent en pôle ou en première ligne, et c'est vrai que ça leur coûte un peu de place au départ. Surtout Barcelone, c'est très important. Bah, c'est Barcelone, ça. C'est le pire, quoi. On voit finalement même à Miami. À Miami, Norris gagne en étant 6e au départ, mais au final, c'est vrai que. S'il se qualifiait plus souvent en première ligne, je pense qu'il jouerait la victoire à chaque course, honnêtement. Donc, et encore, il la joue quasiment à chaque course depuis Miami, malgré tout. Parce qu'il ça passe à pas grand-chose, hein. Je crois qu'il a 20 quelques millièmes, non, je crois, Norris de la pole. Donc, Oui, 21 millièmes, je crois. Ouais, de toute façon, ils sont 3, c'était ultra réduit. C'est de la folie, hein, la Formule 1 cette année. Donc, les courses vont pas ça se jouer le samedi, mais pas loin, quoi. Ouais. Bon, au Canada, on peut dépasser, on peut jouer un peu sur les stratégies. En plus, là, il y a eu les conditions changeantes et tout, donc ça a permis effectivement de voir plusieurs leaders différents. Mais ouais, effectivement, la qualification devient vraiment cruciale, quoi. Donc, et tu vois, par exemple, en Espagne, je pense à Red Bull, ils ont souvent joué la stratégie pour lancer Perez dans une stratégie différente et qu'il fasse un peu chier la concurrence. Et s'il se qualifie encore loin, ça ne sera pas possible. Et en Espagne, c'est crucial d'être dans les deux voitures devant pour justement pouvoir en avoir une qui empêche un peu de tourner en rond les autres et en avoir une qui fait la stratégie optimale, ce que fait Red Bull très souvent là-bas. Piastri monte aussi bien son niveau de jeu aussi pour ça, donc, ouais. Donc c'est assez cool pour l'équipe, en tout cas, ils sont bien lancés, donc voilà, juste le petit coup de gueule de Norris en conférence de presse qui aurait pu être un peu plus soft, on va dire. Voilà. Ouais. Donc, il s'est un petit peu énervé, je pense qu'il a eu, il a pris le retour de... Il aime bien s'énerver. Que ça soit lui contre lui-même, contre l'équipe, il y a des petits pics comme ça qu'il va falloir qu'il réussisse à canaliser un peu. Je pense, parce que là, pour l'instant, ça joue pas encore le titre, ce genre de choses, mais on sent un petit peu comme à chaque fois un peu énervé quand la victoire est en jeu. C'est normal, hein, il a pour ça, mais attention à calmer ses ardeurs, à savoir d'où vient McLaren. Ouais. Et à rester positif dans la progression, parce que. Il y a 99,99% de positifs chez McLaren en ce moment. Ah bah c'est sûr, hein. Encore une fois, il y a un an, ils n'étaient pas là du tout, hein, donc faut remettre un petit peu en chaud. On sera en Autriche, on pourrait dire que ça fait moins d'un an, mais là, pour dire ça, il y a un an, ils étaient là. Ah, exactement, et encore, c'est à Silverstone qu'ils avaient vraiment commencé, avec la deuxième partie du package, qu'ils avaient vraiment commencé à viser des gros résultats. Mais en tout cas, ouais, très encourageant pour McLaren. Eux, c'est une tendance. Chez Mercedes, c'est pas une tendance puisque c'était tout nouveau. Mais on a retrouvé une équipe Mercedes qui joue enfin des gros résultats. Donc ça fait plaisir parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'ils disent qu'on se moquait un peu d'eux parce que ça fait un moment qu'ils disent oui, la voiture, elle est bien, ça va fonctionner, on va réussir à faire quelque chose et tout. Puis nous, à force, on était un petit peu moqueurs parce que on voyait que ça n'avançait pas et qu'à part nous dire que la voiture était saine, en fait, il y avait pas grand-chose qui le prouvait. Et le fait est, alors c'est pareil, encore une fois, circuit atypique, donc à confirmer à Barcelone et ailleurs, parce que l'an dernier, Barcelone, Mercedes, il fait son meilleur week-end de la saison, et derrière, plus rien, donc voilà, il faudra confirmer plus tard, notamment sur des circuits comme l'Autriche et Silverstone, qui sont aussi des circuits d'aéro et de stabilité, mais très bien, la pole de Russell, Hamilton rate sa qualif, c'est dommage, parce que je pense qu'ils avaient le moyen de monopoliser la première ligne, d'ailleurs Hamilton a dit lui-même, c'est un article qu'on publiera demain, qu'il fait trop d'erreurs et qu'il faut qu'il se reconcentre parce que là c'était pour lui le mauvais week-end, donc ça c'est bravo à lui de le reconnaître. Et puis Russell, bon, course un peu plus compliquée. Russell a pas réussi à faire toutes les manœuvres qu'il voulait. Il a fait des erreurs, donc qui lui ont coûté quelques places en course, mais il finit quand même sur le podium. Donc sa deuxième pole en carrière et un nouveau podium, c'est quand même plutôt un bon bilan pour un week-end où on les attendait pas encore. Non, et puis bon, c'est une confirmation un petit peu de ce qu'il disait à partir de Monaco, hein, parce que les évolutions sont aussi arrivées à Monaco. Finalement, d'être revenu sur un aileron avant, plus conforme à ce que le règlement souhaite, en tout cas, semble porter ses fruits. Et voilà, donc il avait expliqué qu'ils étaient allés trop dans un autre extrême par rapport à la génération de, enfin, par rapport à la F1 de l'année dernière. Et que maintenant, ils avaient compris où était le compromis, et bah, force est de croire, bah, puisque c'est les pilotes qui le disent, c'est Toto Wolff qui le dit, c'est James Hinchcliffe qui le dit aussi, et les résultats commencent à le montrer. Donc, bah, pour tous les fans de Mercedes, d'Hamilton et de Russell, pour tous les fans de F1 aussi qui veulent voir plus de bagarres en tête, bah, c'est effectivement une très bonne nouvelle de voir que Mercedes a enfin trouvé son étoile polaire, voilà, qu'elle avait certainement mal située plusieurs fois sur une carte ces derniers mois. Mais ça y est, je crois qu'ils ont mis la carte à l'endroit. Enfin. Et effectivement, l'étoile polaire, elle semble être là en tout cas. Donc, bah, tout ce qu'on leur souhaite maintenant, c'est effectivement de confirmer. Bon, voilà, Monaco-Canada, c'est toujours un peu particulier, mais bah, voilà, bah, on revient. Effectivement. Confirmation de Barcelone et surtout Silverstone, je pense aussi, parce que Silverstone, en plus, il y aura un gros package aussi qui va arriver à Silverstone apparemment. Donc, ouais, Qui est c'est tout prévu de ça. longue date celui-là en plus, donc je pense qu'il y a un gros développement derrière. Et ça pourrait être la surprise de la deuxième partie de saison, comme l'année dernière, McLaren a été la surprise de la deuxième partie de saison. On peut imaginer effectivement que si Mercedes a vraiment trouvé son étoile polaire, j'aime bien cette expression, elle est ça comme sympathique, s'ils ont vraiment trouvé cette étoile polaire et que derrière les grosses pièces prévues pour ça, parce que maintenant c'est vrai que c'est les développements qui arrivent, c'est les enseignements de ce trop loin, de ce trop extrême qu'ils ont tenté en début de saison. Qui vont arriver et si effectivement ça débloque ce qu'ils pensent que ça doit développer, ça peut vraiment on peut dire dominer. Ça. Là, du coup, on serait tous un peu dégoûtés que Mercedes soit en train de dominer d'une demi-seconde devant tout le monde, mais effectivement, si ça peut les remettre vraiment en lice pour la victoire à chaque Grand Prix, bah, je pense que tout le monde serait preneur quoi, parce qu'on aurait vraiment quatre équipes qui pourraient jouer la victoire à chaque Grand Prix. Et donc, ça veut dire aussi bien qu'ils peuvent finir aussi bien premier que huitième. Et ça, ce serait assez dingue, quoi. Donc, On est mais dans un scénario où on pourrait avoir 7 vainqueurs différents en fin d'année, hein, si, sans surprise particulière. pourquoi 7? Tu ne comptes pas Pérez dedans? Je ne compte pas Pérez dedans, effectivement. Le roi des circuits urbains n'est plus si roi Bah, que le ça. roi des circuits urbains, vu que ça fait 2 années de suite qu'il se fait sortir en Q1 à Monaco, je commence à penser qu'il n'est pas si roi que ça dans les circuits urbains. Mais après, peut-être, après je dis ça, mais peut-être qu'il peut nous sortir une Singapour. Mais bon, Singapour, ça va être compliqué pour Red Bull, mais ça peut le faire. Il peut aussi avoir un regain de forme. Je ne veux pas non plus Non, non, non, il faut. l'éliminer, mais dans l'idée, là, actuellement, on a 7 pilotes pour moi qui peuvent à terme jouer une victoire à un moment ou à un autre. Mais Pérez, pour l'instant, je ne vois pas faire ça. Donc voilà, bah, positif pour positif pour une demi Red Bull, positif pour les deux McLaren, positif pour deux Mercedes. Ouais. On peut enchaîner, je pense. Hein. Je vais juste répondre à la question de The Riddler Oui. qu'il avait posée tout à l'heure. C'était sur le fait que ça sente un petit peu une mauvaise ambiance entre Hamilton et Mercedes. Alors, Hamilton a l'air un petit peu grognon en ce moment. Il a pas l'air très. Je pense qu'il a un petit peu la tête en rouge déjà, mais je trouve pas que ce soit la mauvaise ambiance non plus. Là, Non. Hamilton a dit que c'était de sa faute ce week-end. Les pilotes, alors bon, forcément, il laisse les pilotes se battre, donc il y a des frustrations en fin de course parce que Hamilton. Enfin, comment dire, Russell tente de passer Piastri, il n'y arrive pas, il se rate. Finalement, Hamilton le dépasse et passe Piastri ensuite. Et puis derrière, on a Russell qui arrive à trouver la faille et dépasser Hamilton. Donc, je pense qu'il y a un petit peu de frustration parce qu'il jouait le premier podium de la saison pour l'équipe. Donc, je pense que les deux avaient envie de le signer. Mais j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression qu'il y ait des tensions entre Non. l'équipe et Hamilton globalement. Non, c'est plus Moins Hamilton. que au moment où il a annoncé la signature, par exemple. C'est plus Hamilton qui s'en veut plus à lui-même pour l'instant que le contraire. Non, non, je pense qu'il est même content de pouvoir finir un peu moi sur une meilleure note. Ouais, c'est ce qu'il voulait, hein, finir sur une meilleure note pour Mercedes. Et là, le fait de sentir que bah, la Mercedes va mieux, que ça joue le podium et qu'il reste quand même encore 15 courses derrière, peut-être qu'il se dit qu'effectivement, il pourra au moins finir avec des beaux podiums si c'était une victoire au moins avant de partir chez Ferrari. Donc non, non, en plus Russell a été extrêmement classe avec Lewis pendant la conférence de presse en disant qu'ils se connaissent bien, que Lewis est quelqu'un de très respectable aussi en piste et qu'il n'a pas du tout eu peur au moment de l'attaque que Lewis fasse du sale. Il a bien dit que Mais... c'est pas du tout dans l'attitude de Lewis de faire du sale en piste, contrairement à ce que d'autres pilotes peuvent faire. Donc Au contraire, Russell aurait pu dire effectivement, ouais, j'ai eu un peu peur, genre de choses, mais alors pas du tout. Il a dit, j'ai été à l'abordage de Lewis en confiance que ça allait bien se passer entre nous deux, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Donc, non, effectivement, mais un peu chapeau, forcément, parce que je pense qu'il est encore en tête ce tour en livre 3 qui lui aurait valu la pole et même belle pole, voilà, l'après-midi, et ça l'a un peu, voilà. En plus, il le dit, en plus, j'ai pas changé mes réglages, j'ai rien changé, quoi. Et donc, non, c'est vraiment voilà, une petite erreur, feeling. Voilà, un petit mauvais feeling, et les conditions qui sont pas si très faciles à appréhender aussi, hein, forcément. Donc voilà, c'est rien de négatif, je pense, pour l'instant, en tout cas, rien de perceptible à noter, voilà, entre Mercedes, l'équipe, et au contraire, même Toto Wolff, il a dit aussi que Hamilton avait moins se culpabiliser pour ce genre de choses. Ouais, non, c'est ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Et puis, ouais, c'était bien que Russell dise qu'il a lutté contre Piastri et Hamilton. Et que pour lutter dans ces conditions-là contre des pilotes, il faut avoir toute confiance en ses rivaux. Et ça montre qu'il y a quand même un beau niveau de respect sur le plateau, en tout cas à l'avant. Je voulais parler. Oui, il y a Warius qui ressortait la citation de Wolff à la radio de Russell, où il a dit Focus, George, Focus. Focus. C'était pas mal. Mais c'était bien parce que finalement, ça a marché. Il a juste dit trois mots de manière très linéaire et puis ça a permis à Russell de se remettre dedans. Mais c'est vrai que c'était assez marrant comme intervention. L'accent était plus marrant qu'en intervention. En fait. C'est ça. Focus. Focus. C'est ça. Ah oui, après, Hervé Alicorne, ça a raison. Mercedes, s'ils confirment les bonnes perfs, ils peuvent encore aller choper Verstappen. Ça, c'est eux pour eux. Ils jouent l'avenir aussi de l'équipe. Donc. C'est assez intéressant. Est-ce que Russell n'est pas en train de prendre l'ascendant dans l'équipe ? Cette année, oui. Maintenant, on sait qu'un pilote qui est sur le départ est toujours un petit peu en retrait. On l'a souvent vu dans l'histoire de la F1. Il ne faut pas oublier que l'an dernier, c'était vraiment situation inverse. Hamilton était nettement devant. Donc, je pense que là, c'est un ascendant naturel aussi parce que Russell sait qu'il est l'avenir de l'équipe. Hamilton ne l'est pas. Et voilà, il y a un paquet de choses qui se passent. Et puis, je pense qu'Hamilton fait des erreurs, effectivement, parce qu'il n'est pas assez concentré, il l'a dit lui-même. Donc, soit il se reconcentre à la fin de saison et ça peut se réinverser, soit il faudra qu'il se remette à zéro une fois qu'il arrivera chez Ferrari. Et effectivement, de toute façon, Russell sera le leader incontestable de l'équipe l'an prochain. Sauf si Verstappen arrive, mais où là, il pourrait avoir des petits soucis. Mais bon, malgré tout, il sera le leader en interne parce qu'il connaît bien l'équipe. Ça fait. Après, si Chop Max ou Anthony Diva, bah, ça, on ne sait pas exactement, parce que Williams n'a pas l'air d'en vouloir. Donc, ça, c'est un peu plus compliqué pour eux. Ça va quand même plutôt vers Antonelli. Hein. Ouais, globalement, je pense que la piste Verstappen, elle est passée un petit peu trop tôt et c'était pas au bon moment pour eux. Mais après, c'est mon avis. Ensuite, nous parlons d'Aston Martin. Alors, beaucoup plus tôt que les deux dernières émissions, puisqu'ils avaient eu des week-ends un peu compliqués récemment. On a enfin retrouvé une Aston Martin alors, qui est clairement à sa place, c'est-à-dire pas dans le top 4 équipe, mais qui est la meilleure équipe derrière, en fait, dans ce peloton. De pas mal de avec les six autres équipes, je dirais. Puisqu'on a eu Alonso 6e, Stroll 7e. Ils finissent derrière, donc il n'y a pas. Ils finissent derrière globalement les deux McLaren, les deux Mercedes et puis Verstappen. Mais ils auraient fini plus loin, forcément, s'il y avait eu les Ferrari et s'il y avait eu Perez devant. Mais les Ferrari étaient moins bonnes que les Aston ce week-end. Je pense que ça, pour moi, c'est un one-off, comme on dit. Ça ne se reproduira pas. Mais ça fait du bien à Aston Martin de marquer des points et mine de rien de voir les deux pilotes faire des bonnes performances et être solides, quoi. Ouais, bah après ils l'ont dit eux-mêmes que c'est un circuit qui leur convenait un peu mieux que les précédents aussi, donc pour eux c'est quand même on va dire rassurant, on va dire de réussir à concrétiser ça si Aston Martin devait être plus rapide sur ce genre de circuit. Donc d'ailleurs l'année dernière hein, et Alonso l'avait prouvé aussi avec une super perf aussi au Canada. C'est peut-être un début de mieux, c'était un début de compréhension des évolutions aussi. D'autres choses sont prévues pour Barcelone notamment en termes de pièces, d'après Fernando Alonso en tout cas. Donc ouais, faut juste espérer pour Aston Martin que ça repart dans le bon sens, au moins pour eux. Bon, il n'en reste pas moins qu'ils sont quand même assez décrochés des 3-4 équipes de tête. Sur ce Grand Prix là, Ferrari ils étaient bien devant, mais Aston Martin était bien devant Ferrari. Pas grand chose de plus à dire malheureusement sur Aston Martin, parce que tant qu'on n'aura pas compris ce que ces évolutions valent vraiment, on en restera sur le fait que le Canada est comme un circuit atypique aussi. Ouais. Donc malheureusement je peux dire que réponse à Barcelone encore une fois, quoi. Donc, c'est là pour le coup, voilà. C'est après Lance Stroll fait un très très beau week-end aussi devant son public. Oui, c'est sa 5e entrée dans les points, 6 participations au Canada, donc bravo à lui, ouais, parce qu'il est très souvent solide là-bas. Et il a aussi remis un peu l'église au centre du village, parce qu'il a été, pour une fois, extrêmement attaqué par la presse locale, quand même, sur, oui. Sur le fait que, ce qui est quand même très très rare, quand même, voilà, des journaux qui ont écrit des chroniques, effectivement, sur le fait qu'il est-ce qu'il a encore sa place en F1 juste grâce à son père. Il a quand même remis un peu l'église au centre du village sur les qualifications depuis le début de l'année, sur le fait qu'effectivement il était à égalité avec Alonso, voilà, c'est 4 partout effectivement en termes de qualif entre les deux. Bon, il a eu un petit creux vers le début de saison, voilà, mais ces derniers temps, il est plutôt de nouveau de retour dans les chronos d'Alonso. Donc voilà, ce qui n'est pas une mince affaire, hein, quand même, ça reste Alonso. Ouais, donc voilà, en espérant que ce soit pas juste une période passagère comme d'habitude chez Lance Stroll. J'aurais envie de dire, s'il pouvait nous rester cette constance-là jusqu'à la fin de la saison, ça le changerait un peu aussi. Et ça changerait aussi surtout le regard que les gens ont de lui. Le signer 2, 3, 4 belles perfs de suite ou comme ça dans l'année, ça suffit pas pour se forger une image de je mérite d'être là, d'autant plus quand on a cette pression supplémentaire là d'être le fils du propriétaire, tout autant talentueux qu'il est, hein, parce que pour piloter une F1, je vous dis, c'est pas bon, je prends tout le monde dans le chat là, il y a peut-être 0,01% de chance qu'il y en ait un qui soit meilleur que Lance Stroll. Voilà, mais donc il faut pas oublier le talent derrière. Et voilà, quand on se fait critiquer à domicile, qu'on se prend des chroniques comme ça, assez, j'en ai lu quelques-unes, hein, sur la presse québécoise, qui sont quand même assez dures. Avant de commencer son week-end à domicile, ça doit pas être très sympa à voir. Et il a bien, je pense, bien retoqué ses journalistes, et puis il a bien montré, ouais, effectivement, qu'il avait fait un week-end solide et tout. Donc, voilà, à confirmer sur le long terme. Et Aston Martin a confirmé effectivement que les évolutions sont comprises, que la voiture progresse bien et que ça repart dans la bonne tendance, parce que pour l'instant effectivement c'était un peu l'équipe qui se décrochait du top 10 possible et qui se faisait même ramarrer par RBF1, donc absolument, voilà. On a deux questions dans le chat que je vais directement poser à Alex. Bonsoir Alex, déjà, comment vas-tu? Salut, ça va, j'ai vu que ça parlait de Lance Stroll, donc je suis tout arrivé. Bah oui, ta passion. Alors déjà, Lance Stroll a fait une réponse à un journaliste qui a permis de faire plus de 4 lignes de citations ce week-end, donc c'était assez impressionnant, parce que normalement c'est 3 ou 4 mots. Et il y a Gernat qui demande si c'est pas plutôt Alonso qui est blasé, et qui montre que le fait que Stroll aille mieux, ou est-ce que, comme le dit Lambeau Diablo, c'est plutôt Stroll qui a retrouvé la motivation. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alex? Bah, ça faisait la tendance, hein, effectivement, que Alonso était sur la pointe des flancs. Bon, là, c'est la première fois depuis 3 courses, hein, donc effectivement, qui bat qu'Alonso bat Stroll en qualification qu'en course. Moi, j'ai l'impression que les soucis, honnêtement, Stroll, on le connaît maintenant, c'est un pilote qui est très expérimenté, mine de rien. Peut-être que les soucis venaient plus d'Alonso, d'une Aston Martin qui était inconduisible, avec les évolutions, d'une part de frustration que Lawrence Stroll, voilà, c'est ça, combien de saisons, ouais, c'est ça, 8e, ouais, 8e, donc voilà, donc on le connaît, donc je pense pas que subitement il va devenir tout simplement meilleur. Je pense que les conditions du circuit, la nature des évolutions de l'Aston a peut-être fait faire un pas en arrière à Alonso plus qu'un pas en avant à Stroll. Après, j'espère me tromper, mais je pense qu'au bout de 8 saisons, Stroll, voilà. Effectivement, comme le dit Alka, il a toujours eu du talent. Donc, les souvenirs, c'était quand à Monza en 2017, où il fait deuxième, par exemple. Bon, voilà. Ouais, évidemment, il y a sa pole, aussi, mais effectivement, ça manque un manque total de constance. Donc, non, moi, je dirais que c'était plus Alonso qui a souffert des évolutions de Aston. Ok, ouais, je suis assez d'accord pour le coup. Bon, alors, je pense qu'on a fait le tour à peu près d'Aston Martin, parce que c'est pas non plus l'équipe qui a le plus. Voilà, ils ont répondu présent, mais c'était pas non plus la folie. On a eu une petite inversion de force et de tendance chez RBF1, avec un Daniel Ricciardo de gala qui nous a sorti une 5e place en qualif, et puis qui a fait une belle course pour arriver 8e malgré sa pénalité, et un Yuki Tsunoda qui en était du coup qui a quand même fait une Q3, qui a été plutôt solide, mais qui a fait une erreur à la fin, qui avait tenté une stratégie à un seul arrêt, surtout une stratégie sans s'arrêter sur la première safety car en gardant les vieux intermédiaires, parce qu'ils ont été 3 à faire, il y avait Ocon, Bottas et lui, et ça a été un petit peu, ça a été la fin de course qui a été plus compliquée pour lui avec une sortie de piste, mais globalement, plutôt des bonnes performances de RBF1, qui continue elle aussi, mine de rien, à montrer des bonnes pointes de vitesse sur plusieurs circuits, et un Ricciardo qui a été peut-être un petit peu vexé par Jacques Villeneuve en début de week-end, puisque Villeneuve a dit que, enfin, a dit qu'il n'avait plus grand-chose à faire en Formule 1 et que s'il était là, c'était grâce à son image. Alors, les propos de Villeneuve sont durs. Parfois, Villeneuve va trop loin, mais pour autant, peut-on dire qu'il avait tort? Je ne pense pas. Personnellement, je trouve que ses propos n'étaient pas faux, même s'il généralise toujours un peu. Il y a l'idée où il dit que ça fait 5 ans que Ricardo est complètement dans le saut, alors que c'est faux. Il y a 5 ans, c'était 2020 chez Renault, il était très très bon. Ouais. Le fait est que depuis 2021, c'est quand même la tendance qui s'affiche, c'est que Ricardo ne met pas trop une roue devant l'autre. Il y a quelques fulgurances, il y a Monza 2001, il y a le Mexique l'an dernier, il y a cette année la Chine où il fait un très bon samedi, et puis ce week-end qui était très bon. Mais globalement, voilà. Est-ce que c'est, à votre avis, le phénix qui revient, ou est-ce que c'est juste un petit coup de motivation? Est-ce que c'est aussi le Canada, parce qu'on sait que Ricardo est très très bon au Canada, et est-ce qu'on risque de revoir un Tsunoda dès Barcelone reprendre un peu l'avantage sur Ricardo? Alex, par exemple. C'est ce que dit Ricardo, c'est un article qu'on va publier, je crois, demain. Effectivement, il dit que les propos de Villeneuve lui ont attaqué sa fierté, et que du coup, ça lui a redonné un peu du boost, et qu'il avait envie de lui donner de donner tort à Villeneuve, et donc évidemment ça pique l'ego d'un pilote de Formule 1, et même Ricardo, tous les pilotes de Formule 1 ont forcément un ego très très développé. Et mais cela dit, c'est un petit peu la même chose que qu'on disait sur Stroll, hein. C'est un problème de constance, et à la régulière c'est ça qui domine assez outrageusement Ricardo. C'est la première fois qu'il marque des points dans un Grand Prix cette saison, le dimanche, sur le côté de performance du sprint. Donc c'est quand même assez aussi révélateur, et globalement c'est aussi un pilote du passé, hein, mine de rien. Il a 34 ans, et Marco l'a déjà dit, il n'a pas forcément à être dans une équipe qui a vocation, même si c'est de plus en plus une équipe sœur qu'une équipe fille, mais il a vocation à former des jeunes. Et voilà, là, pareil, le problème c'est qu'il ne devrait pas avoir besoin de propos peu amènes d'un consultant qui l'est encore moins pour pouvoir se motiver et livrer ce genre de performance. Ouais, je suis assez d'accord, hein. c'est pas normal que ce soit en réagissant à un excès de frustration qu'il arrive à faire des perfs comme ça. Je sais pas ce que t'en penses, Franck. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est que si effectivement il dit que ça l'a piqué dans son ego et que ça l'a motivé, bah, je veux dire, envoyer du shitstorm à tous les week-ends. Marco va l'insulter tous les jeudis. Fouettez-le avec des orties, je sais pas, mais mettez-lui des punaises dans son baquet, j'en sais rien, mais je sais pas pourquoi il... Enfin, c'est même dangereux d'avoir admis ce genre de choses, parce que on sait quand même que Ricardo, oui, Tapiot marche beaucoup au moral. Ça, il a toujours confié. Quand il a eu des soucis un peu, il parlait vraiment toujours de son état d'esprit, de son moral, de sa motivation, de trouver un peu la foi. Je veux dire, pas sur le sens foi à Dieu comme pouvait l'être Hamilton à ses débuts, ou beaucoup Ayrton Senna pour ceux qui suivent un petit peu le personnage, voilà, pour les plus vieux d'entre nous, mais très très très proche effectivement de cet état. Bon, après on sait que le moral d'un pilote, ça fait effectivement beaucoup sur les performances d'un pilote, hein. C'est Alain Prost qui disait toujours que les performances d'un pilote, c'est 80%, c'est le moral. Oui. Donc effectivement, c'est important qu'un pilote se sente bien en lui. On sait que Ricciardo, son bien-être personnel, c'est pas encore il est pas encore revenu au top niveau. Donc voilà, ouais, le fait d'être titillé comme ça, que ça le booste, effectivement, c'est un peu inquiétant quand même. Après, moi, j'ai pas rajouté plus que ce qui a été dit, mais c'est vrai que cet échange avec Villeneuve, voilà, bah, il y a quand même eu 2-3 échanges différents, hein, puisqu'il y a eu ça s'est fait en plusieurs fois. Oui. Et Villeneuve a même répondu du coup à Ricciardo en disant, bah, la preuve c'est que si ça l'a piqué et que ça l'a servi, bah, tant mieux. Donc voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des mots comme toujours, hein, chez Villeneuve comme chez Ricciardo d'ailleurs, des fois un peu sans filtre. Oui. Bon, c'est ce qui fait un peu la grandeur entre guillemets amusante des deux personnages. Voilà, je sais que les propos de Villeneuve sont toujours très très appréciés en France, que ce soit aux commentaires sur Canal+, ou dans les articles, parce que voilà, Villeneuve, il mange un peu, je veux pas dire qu'il mange un peu à tous les râteliers, mais c'est un peu le cas, hein. Il est aussi bien consultant pour Canal que pour Sky F1, que pour Sky Italia, comme il écrit des chroniques aussi pour certains sites, enfin... Il est très très très imprégné dans le monde des médias, et c'est donc que sa parole est très relayée, donc c'est donc chacun de ses mots est aussi bien pesé. Ouais, c'est quand même assez rare qu'il lance des choses comme ça à la va-vite, sans savoir quelles répercussions ça a derrière. Donc voilà, bah, c'est aussi pour ça qu'on aime ou qu'on déteste Jacques Villeneuve, parce que je sais que le personnage est aussi assez clivant. Voilà, donc Voilà, bah effectivement, l'actualité RBF1, c'était plus l'actualité, l'actualité Villeneuve. On n'oubliera quand même pas de dire que Marco avait vendu la mèche sur le oui. contrat de Tsunoda. Oui, parce que du coup, Tsunoda a été officiellement prolongé pour 2025, à quelques minutes de la qualif. C'est ça, donc je pense qu'effectivement, RBF1 a dû communiquer suite un petit peu au pro de Marco aussi. Et par rapport effectivement aussi aux rumeurs qui circulaient sur le fait que Aston Martin et Honda pourraient racheter la clause de Tsunoda pour apparemment 5 millions de dollars. Alors, évidemment, c'est toujours des rumeurs. Des fois vérifiées, pas vérifiées. Celle-ci, on ne sait pas. On n'a eu qu'une seule source comme ça qui l'a cité. Et on ne sait pas d'où ça vient exactement. Et d'ailleurs, Lance Stroll a dit « Désolé pour toi, Yuki. Tu n'auras pas mon baquet en 2026. Oui. » Donc, voilà. Ça, on peut sentir qu'il y avait quand même quelque chose derrière qui pouvait se tramer et que Honda pouvait faire une certaine pression pour essayer de placer... Alors, pression toute japonaise soit-elle, hein, avec toute la politesse japonaise, excusez-moi, Aston Martin, pas une petite place pour c'est ça. Un petit pilote coup de japonais. Pression, c'est excusez-moi, vous auriez une place, s'il vous plaît. Il n'est pas très grand en plus, il prend pas beaucoup de place. une petite place. Mais il a du talent, le gamin. Hein. Yuki Tsunoda, bon, voilà. Donc, non, voilà, il y a vraiment eu effectivement des tentatives de sortir Tsunoda de la filière Red Bull. Et d'ailleurs, il n'y a pas que Aston Martin. Hein. Je pense qu'il y a aussi d'autres équipes intéressées, comme je pense Alpine, par exemple. Je pense que ça serait typiquement une équipe intéressée, comme Haas peut-être aussi. Voilà, donc non, mais Yuki Tsunoda, c'est bien qu'il soit conservé parce qu'il le mérite, en tout cas. Et je trouve même qu'il mériterait d'être promu chez Red Bull, mais ça, on en reviendrait après au départ du début d'émission. Ouais. Enfin, il mériterait si Perez était sorti en Q1. Hein. Oui, ou s'il avait abandonné, ou s'il s'était fait dépasser par une Alpine pendant la course, ce genre de choses, mais ça n'arrive pas. Donc... Oh, on est quand même pas là. Non, heureusement, ce serait scandale. Ou s'il roulait entre 3 et 9 dixièmes son équipier, ça serait voilà. Oh, t'imagines, s'il prenait 9 dixièmes en qualif, ce serait scandale. Ah non, mais il changerait tout de suite, là. C'est pas ça, sur Red Bull. C'est ça. Ou alors, il serait fou. bref. Voilà, en tout cas, ça c'était pour RBF1. C'est vrai, bon, c'était un week-end un peu particulier, mais essentiellement dicté. Alors, moi je suis d'accord avec Zoans quand même. Ricardo qui fait un bon résultat et qui ensuite montre les muscles en disant, mais ça y est, je suis de retour. Enfin, on va se calmer un petit peu parce que malgré tout, c'est qu'une 8ème place. Et si au Grand Prix suivant, Tsunoda est devant, il n'aura pas montré grand chose. Il y a quand même plus de haut, assez haut pour Ricardo que le yo-yo qu'il faisait chez McLaren où c'était vraiment beaucoup plus catastrophique. Là, on est quand même sur des choses où quand il se prend une petite valise par Tsunoda, la valise n'est pas énorme non plus. C'est 1 ou 2 dixièmes. C'est pas 3, 4, 5 ou 9. Et c'est pas ce qu'il se prenait en termes de valise chez McLaren par rapport à Norris. Donc, effectivement, il n'est pas tout le temps au niveau de Tsunoda, mais bon, il faut peut-être aussi accepter que Tsunoda est meilleur. Mais si Ricciardo réussit à maintenir un 2, 3 dixièmes derrière constamment ou être devant de temps en temps et à aider à guider l'équipe sur le plan technique et tout ça, il aurait aussi totalement mérité de garder sa place. Le problème, c'est qu'apparemment, dans les plans d'Aloud Marco, garder Ricciardo, c'est quand même plutôt le plan B ou plan C que le plan A. C'est ça, avec Ariel Lawson qui pousse derrière et qui menace lui aussi de partir du giron Red Bull. On va ensuite parler d'une équipe qui a mis ses deux voitures dans les points, Alpine, avec la 9ème place de Pierre Gasly et la 10ème place d'Esteban Ocon. Donc, c'est la deuxième. Navire, du coup, super. Oui, ce serait. Alors, c'est vrai que sur le papier, le week-end est très bien. On a une qualif un peu compliquée, encore une fois, mais Ocon éliminé en Q1, Gasly en Q2. Ocon avait 5 places de pénalité aussi. Voilà, Ocon avait 5 places de pénalité, donc il part dernier. Alors, ils ne le font pas partir des stands avec un réglage pluie, finalement, c'était une bonne idée, puisque la pluie n'a pas été l'élément le plus présent de la course. Ils lui font faire la même stratégie, donc avec un arrêt, il se retrouve 9e. Et arrive en fin de course une consigne disant à Ocon de laisser passer Gasly pour potentiellement aller chercher Ricciardo. Parce que Gasly est plus rapide et que lui avait de toute façon... en gros, c'était que de toute façon, il fallait laisser passer Gasly parce qu'il était plus rapide. Le truc, c'est que Gasly passe et ne décroche pas Ocon, ne va pas chercher Ricciardo. Et à la fin de la course, alors c'est vrai que moi, jusque-là, tout avait l'air d'aller bien pour Alpine, puisque 3 points d'inscrit, les deux voitures dans le top 10... globalement personne ne semblait mécontent et jusqu'à ce que Ocon décide de lâcher une petite bombe à l'interview Canal Plus en disant de toute façon moi j'ai fait le taf, l'équipe n'a pas fait le sien. Donc voilà, ensuite on a Gasly qui dit que Ocon avait que c'était une consigne par rapport à la mécanique, je crois, je sais plus exactement comment il dit ça. Oui, c'est ça qui est. Non, c'est Famin qui dit qu'il y a une problème de gestion d'énergie. C'est ça, c'était Famin qui dit problème de gestion d'énergie alors que Gasly n'en parle pas. Et là, on se dit, est-ce que il y a eu consigne sur vraiment ce problème d'énergie, parce que c'est ce qu'ils ont aussi mis dans le communiqué de presse qui est sorti par la suite, ou est-ce que c'était une consigne purement sportive visant à mettre Gasly devant Ocon, sachant que Ocon, on a appris ce week-end aussi, puisqu'il a commence à avoir la langue bien pendue du coup, vu qu'il sait qu'il va partir, n'a pas le même châssis que Gasly et a du poids en plus sur sa voiture. Donc, est-ce que maintenant on est sur un all-in sur Gasly de la part d'Alpine, ou est-ce que c'était juste un truc un peu un petit concours de circonstances, Franck? Dans ce genre de choses, je me réfère toujours à la première source fiable et vérifiée d'informations qui sont les échanges radio, qui pour le coup était important à publier ce qu'on a fait effectivement sur le site pour comprendre. Et effectivement, en aucun cas, son ingénieur ne lui parle de problèmes de gestion d'énergie ou de, voilà, de soucis pour aller, voilà, pour maintenir peut-être sa place par rapport à d'autres. Il n'y a absolument rien de tout ça qui lui expliquait, en tout cas. On lui dit clairement qu'il faudrait laisser passer Pierre pour tenter d'aller chercher Ricciardo devant. Et ensuite, la question c'est si je n'y arrive pas, est-ce que Pierre me laisse repasser? Son ingénieur lui répond, je travaille là-dessus. Ça veut quand même dire qu'il y a de la négociation en cours avec Bruno Famin et derrière et tout le reste. Alors, ça, c'est des choses qui passent pas à la radio, donc du coup, la réponse à ta question. Est-ce que c'est un all-in sur Gasly ou pas? Je ne sais pas, mais il y a fort à parier que si on n'a pas renvoyé Gasly derrière Ocon, il y a peut-être un peu de ça. Il y a aussi, bon, apparemment, quand même, la thèse prioritaire, c'est on n'a pas voulu re-risquer que dans cet échange de place, il y a un drama qui se produise avec un autre pilote qui pourrait en profiter et du coup sortir un des deux pilotes des points. Ce qui peut arriver, hein, je veux dire, des genres de boulettes, ça peut arriver, c'est pas. Mais bon, les deux sont quand même, je pense, assez professionnels pour savoir manager un échange de place Oui. sans qu'un troisième pilote en profite. Donc, non, de toute façon, il y a clairement un problème depuis politique chez Alpine pour sortir ce genre de phrase extrêmement méchante envers l'équipe. Je pense qu'Esteban Ocon, il a toujours pas digéré l'image qu'on a donnée de lui, je pense, dans les médias. Ce que Famin aussi a lancé, hein, parce que c'est quand même Famin qui lançait à Canal Plus à Monaco dans son intervention directe, ce qui a du coup pénalisé Ocon derrière. Et voilà, et la sanction, voilà, ce qui paraît effectivement comme une sanction, le fait de ne pas le renouveler, ce qui apparaît une sanction aux yeux du grand public, pas au niveau des fans de F1 que vous êtes, puisque vous savez très bien qu'Ocon cherchait déjà à quitter le navire, et il l'a d'ailleurs bien confirmé en conférence de presse dès son arrivée dans le paddock à Montréal, voilà, que c'était effectivement déjà en discussion depuis plusieurs mois qu'il voulait partir, ou enfin en tout cas qu'il cherchait quelque chose ailleurs. Donc voilà, non, on peut clairement dire qu'il y a un problème de gestion maintenant à venir chez Alpine d'Esteban Ocon. Il va pas falloir lui faire à l'envers trop souvent, parce que Ouais. même son ingénieur qui lui dit en fin d'échange, désolé pote, il reste encore 15 courses, c'est encore long. Waouh, ça veut donc bien dire ce que ça veut dire. Ah ouais, ça va être Donc, dur. ouais, je pense que si les deux continuent à naviguer l'un derrière l'autre, si Gasly peut marquer le maximum de points, et pourtant il n'y a aucun intérêt, hein. Bah Je veux non. dire que aucun des deux joue le titre ou quoi que ce soit. Je veux dire que ce soit un qui marque un point ou deux points, pour Alpine derrière, c'est pareil. Donc pourquoi les frustrés sont un des pilotes, même s'il s'en va, au risque effectivement de foutre le bordel dans l'équipe. Voilà, ça c'est plutôt la question qu'il faut se poser. C'est pourquoi, si effectivement ils ont vraiment eu peur. Certes, je veux l'entendre, mais c'est pas l'air d'être là le cas, parce que l'ingénieur dit je travaille là-dessus. Ouais. Donc ça, donc pour moi, c'est bien qu'il y avait quelque chose derrière un Et peu. moi, j'ai. Enfin, cette consigne, il y a le côté où Famin, à la fin, dit oui, de toute façon, il y a un problème de gestion d'énergie. On avait peur que les As reviennent et les dépassent. Et au final, les As, elles finissent derrière les Alpines, quoi qu'il arrive. Et Ocon finit au cul de Gasly. Donc, est-ce que c'est un mensonge de Famin? Et là, j'en reviens à ce que dit Clovis dans le chat, qui est très juste. J'ai fait aussi je m'étais noté les mêmes choses ce week-end. Famin a caché que les deux n'ont pas le même châssis. Et que Ocon a le plus lourd depuis trois courses. Et globalement, c'est vrai que c'est. Enfin, ils ont caché qu'ils n'avaient pas les mêmes châssis. Moi, j'avais noté aussi que ils ont caché en début d'année le fait qu'ils n'avaient pas de châssis de remplacement. Quand Williams a annoncé qu'eux n'avaient pas, Alpine, on a su 2 semaines plus tard qu'eux non plus n'en avaient pas. Et ça, c'est vrai que c'est ce manque de transparence de Bruno Famin, moi, m'inquiète quand même pas mal, parce que on ne sait pas ce Juste qui se passe dans cette équipe, en fait. Juste le problème. qu'Alpine, ils ont le statut d'écurie d'usine et que Williams, ils sont encore dans le narratif. On est une équipe en construction et simplement, c'est pour cacher le fait qu'Alpine est une équipe Non, juste une seconde sur les... En fait, c'est Ocon qui a reçu les premiers les évolutions cette année. Donc le châssis plus léger est arrivé ensuite à Gasly. C'était normalement une rotation comme ça. Et Pierre Gasly a dit que non, il n'y a pas de raison que cette rotation s'arrête. Et Fama a confirmé ça aussi. Donc c'est-à-dire que Ocon a eu les premières pièces, Gasly a eu le premier châssis plus allégé. Donc logiquement, du coup, c'est Ocon qui aura ensuite, du coup, forcément un châssis allégé et les prochaines évolutions aussi. Donc, logiquement, ils sont dans ce système de rotation. Si les deux équipiers ne peuvent pas avoir les mêmes pièces au même moment, c'est l'un d'abord l'un, ensuite l'autre, et c'est parti comme ça. Mais donc voilà, sur le coup des évolutions du châssis plus lourd, en plus, on parle que de 1 ou 2 kilos. Ce qui n'est pas non plus de 10 kilos, on ne parle pas de 10 kilos. On parle mais quand c'est, c'est quand même un peu de... Donc, voilà, je pense que faire un caca nerveux, je suis désolé pour l'expression, pour 1 ou 2 kilos, au niveau où est Alpine, c'est vraiment vouloir chercher la merde, désolé, il n'y a pas d'autre mot, pour rien, et voir effectivement enfoncer l'équipe en public. Après, la question, en fait, dans les déclarations, c'était assez flou. Est-ce que c'est une rotation sur qui a une évolution, ou est-ce qu'ils vont faire une rotation pour savoir qui a le châssis le plus léger? Parce que j'arrive pas à savoir s'ils vont construire une. Enfin, quand ils vont construire la monocoque, la deuxième monocoque avec le châssis plus léger, en fait. Ils parlent vraiment des évolutions, en tout cas. C'est bon, donc, en cas de nouvelle pièce. Nouvelle pièce, alors ça peut être. Ouais. Tu peux voir tout dire et rien dire, une nouvelle pièce. Hein. Moi, j'ai un peu de mal à comprendre. En tout cas, la Westgate de Turbo est arrivée juste à temps. Hein, pour Ocon, encore une fois, ça fait comme deux grands prix de suite qu'il y a une Westgate de Turbo qui l'enquiquine. Qui a failli lui coûter d'ailleurs le départ du Grand Prix. Alors, Adrien nous demande, petite question, est-ce que vous ne trouvez pas que Gasly semble profiter de la situation du fait qu'il ne dise absolument rien? Pas de soutien à Ocon, petite pique à Ocon, etc. Bah, Gasly, lui, il est encore en train de chercher à signer pour l'an prochain. Donc forcément, lui, il joue le team player pour faire le contraste avec Ocon et se trouver une place soit chez Alpine, soit ailleurs. Mais après, c'est le jeu. Hein. Ça, c'est... Le seul truc qu'il a dit, c'est qu'il était énervé qu'il soit toujours lié à cette histoire avec Ocon. Et lui, il fait sa vie dans son côté. Il n'est pas responsable du management de l'équipe. Et il a dit, voilà, il faut arrêter de nous prendre pour des frères jumeaux. Moi, je n'ai strictement rien à voir avec Esteban, à faire ce qu'a fait Esteban. Donc voilà, lui s'est juste exprimé par rapport à l'accrochage de Monaco en disant que Esteban devait changer d'approche. Donc changer d'attitude en gros, c'est ce qu'il a voulu dire. Mais à part ça, il a dit mais lâchez-moi la grappe en clair, hein, par rapport à Esteban Ocon. Moi, je fais ma vie et ses soucis avec l'équipe, c'est pas les miens. Et il a raison de le voir comme ça. Ouais. Je sais pas, t'en penses quoi toi, Alex, de la situation? Est-ce que tu penses qu'il y a un vrai problème de fond ou pas? Non, moi je pense pas. Enfin, un vrai problème de management chez Alpine. Et bon, on va pas refaire le match de ce qu'a dit Chaud, Fama, Monaco. Pour moi, c'était ça le vrai problème. Et ça aura des conséquences à long terme. Hein. Je pense pas qu'Ocon et Gasly aient une relation plus dégradée sur la piste que les autres pilotes. Il y a eu tout un narratif qui a été construit dès le début sur leur animosité, mais qui est plus de l'ignorance. Enfin, voilà, ils sont pas amis, mais ils sont pas non plus ennemis. Hein. Le fait qu'ils soient français, etc. Ça a fait monter les choses en épingle, mais en fait, il y a une sursensibilité médiatique à l'affrontement Gasly-Ocon, si bien qu'au moindre petit incident prochain, et on aura forcément, vu qu'il reste une vingtaine de courses en comptant les sprints, il y en aura forcément, au moindre petit incident, il y aura une surinterprétation médiatique d'un petit incident de course. Et le problème, c'est que Bruno Famin est aussi responsable de cette situation avec les propos qu'il est tenu. Donc voilà, ça va rester une situation très difficile. On parlera de la situation sportive qui s'améliore, mais qui reste évidemment moyenne. Voilà, Alpine s'est mise toute seule dans le pétrin. C'est vrai que je suis assez d'accord là-dessus. C'est un peu, enfin, de toute façon, la saison est compliquée à gérer et je pense pas qu'il donne une très bonne image. La rumeur Flavio Briatore, c'est sérieux? Oui. Oui, a priori. On ne sait pas exactement où ça en est. Il n'y a pas eu trop de nouvelles ce week-end, mais oui. Canal Plus a continué à dire que Canal Plus a quand même des entrées quand même assez sérieuses dans les chez Alpine. A continué à dire que ça serait officialisé dans les jours à venir. Donc peut-être avant l'Espagne, quoi. Donc a priori, il n'y a pas de raison d'en douter. Voilà. On va regretter le management chez Renault. C'est incroyable. Non mais oui, si Briatore revient, ça va être fou. Mais on peut pas revenir Carlos Ghosn, il a pas le droit. Là. Ouais, ben quelqu'un qui va ramener une valise quelque part. Faire des concerts. ouais. Enfin voilà. Donc bon, malgré tout, sur le plan, parce qu'on est très négatif avec Alpine comme on peut l'être des fois, mais malgré tout, c'est 3 points de plus et ça leur permet de reprendre la 8e place du championnat à Williams. Alors bon, est-ce qu'on devrait s'en satisfaire ou est-ce qu'on devrait dire que c'est toujours pas au niveau, ça, je sais pas, mais en fait, le fait est que pour une équipe qui jouait la dernière ligne lors des deux premiers Grands Prix, ça reste toujours un progrès. Et là-dessus, on peut redonner le crédit aux gens qui bossent dans l'ombre chez Alpine, puisque hein, quand même plus de 1000 personnes qui travaillent jour et nuit à faire progresser cette équipe et qui y arrivent. Donc bravo à elles et eux. Le seul point positif pour eux, c'est autant de temps de développement possible pour 2026 derrière. À rester à cette place-là. C'est ça. Bah oui, non, Ça mais fait faut être partie du clair, hein. plan. C'est ça, c'est le plan. Elle plane. Se met en place. Tout est calculé. Donc voilà. Ensuite, nous allons parler de Haas, qui a fini à la porte des points. 11e et Nico Hülkenberg, 12e Kevin Magnussen, qui était la seule équipe à avoir tenté un pari au début de la course en mettant des wets, donc des pneus pluie, à ses deux pilotes, en espérant que l'averse qui était annoncée à 14h pile, heure locale, allait dégénérer, puisqu'il y avait une possibilité que ce soit le cas. Et en fait, dans l'idée de ne pas avoir à repasser par les stands pour mettre les wets, vu que tous les autres partaient en intermédiaire, finalement, ça ne s'est pas fait. Alors, ils ont fait des premiers tours de folie. Il y a 9 dépassements de Kevin Magnussen, je crois 10 places de gagné au total. Donc, il remonte jusqu'à la 5e place. Mais derrière, voilà, ça a été. Lui s'est vite arrêté pour mettre des intermédiaires. Hülkenberg a tenté de cut pour passer des intermédiaires au. Enfin, des wets au slick. Mais finalement, ça n'a pas pu le faire parce que la piste est restée longtemps humide. Mais bon, bah, c'était pas bête de la part de Haas de tenter ce pari-là. De toute façon, ils n'ont pas grand-chose à perdre. Donc. Magnussen aurait fait bien mieux si Haas n'avait pas foiré son arrêt. Hein. Il coûte quand même énormément de place. C'était C'est 9 vrai. secondes son arrêt. Oui, Donc exact. il perd énormément de place là-dessus parce que sinon il repartait beaucoup plus haut. Et je pense qu'il jouait les points quand même, sinon Oui, sans parce qu'il ça. repart 14 de mémoire, donc 13 ou C'est ça. 14. Donc effectivement, s'il repartait ne serait-ce que 10 ou 11, je pense qu'il pouvait jouer au niveau de Ricardo, soit devant, soit derrière. Mais bon, après, Bass, voilà, c'était pas la folie, c'était pas mauvais non plus, c'était milieu de C'est peloton, quoi. même peut-être même un peu mieux que Ferrari, on va dire, en termes de rythme de course, en tout Oui. cas. Après, Ferrari, c'est compliqué à gérer, à jauger, puisque Sainz a rapidement eu des dégâts et Leclerc avait son problème moteur. Mais Donc. bon, on attendait mieux de Haas sur ce circuit-là, avec le moteur Ferrari notamment, qui est très puissant. Et ben Haas a été un peu à l'image de l'équipe mère, hein, enfin l'équipe partenaire, qui est Ferrari, a été un peu décevante, effectivement, en termes de performance. Mais voilà, je crois qu'il faut arrêter maintenant de se dire telle équipe est plutôt favorite sur tel circuit ou pas, parce que finalement, on a. Ça se joue tellement Voilà. à pas grand-chose que Ça, ça va se jouer essentiellement c'est à la mise ça. en fonctionnement de la voiture. Et l'exemple des rouges dont on parlera bah, vers la fin de l'émission, En avant-dernier, hein. voilà, nous prouve bien cela, quoi. Donc, on peut tout à fait trébucher sur un Grand Prix et trébucher lourdement. Ouais, c'est ça. C'est Non, exactement ça. pas de point pour A sur ce coup-là, mais ils ont pas démérité. Ils ont fait un très très beau pari On fait un beau pari, ouais. que on en parlera tout à l'heure, que Stake n'a pas osé, alors que Stake, dans le genre pari à faire, c'est bien un de ceux qu'ils auraient pu faire, c'est bien celui-là. On en parlera tout à l'heure. Oui, on en parlera tout à l'heure, effectivement. Bon, on peut en parler maintenant, de toute façon, c'est la suite. Ah, c'est Donc, maintenant? Ah, mais ben oui, c'est maintenant. Donc, voilà. autant faire cette belle transition. Oh! avec la 13e place de Bottas et la 15e place de Joe, qui a malheureusement encore terminé dernier en qualif, on le note parce qu'on l'avait déjà noté la dernière fois. Dernier est loin. Cinquième fois en 8 courses. Dernier est loin, ouais. Cinquième fois en 8 courses, c'est difficile. 9 courses, il y a eu. C'est la cinquième fois en 9 courses. Ouais, c'est la cinquième fois de la saison. Ouais. Ouais, c'est ça. Le fait est que c'est beaucoup. Et alors, eux, et voyant que leur qualif était pas très bonne, ont décidé, pas très bonne étant un euphémisme, ont décidé de renvoyer les deux pilotes dans la voie des stands et les faire partir avec des réglages pluie, alors c'est-à-dire beaucoup plus un nouvel aileron arrière beaucoup plus braqué, mais n'ont pas tenté les wets. Ils ont tenté de faire un réglage malgré tout, enfin une stratégie avec des intermédiaires, même pas un des deux pilotes en wet. Bon, finalement, c'était pas une mauvaise idée, mais est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose à tenter sur les premiers tours pour justement remonter et espérer rester devant après, quoi? Quand vous avez le pire rythme de course, c'est évident qu'il faut toujours tenter des choses, au moins faire un pari en séparant Et ça. les deux voitures. Ouais. Enfin, ça semble être l'évidence. Alors, évidemment, comme toujours, on n'a pas tous les éléments en main, mais si Asla fait, pourquoi pas Stake, hein. C'est vrai que les wets, les faire marcher en course en général, c'est 1% de chance que ça marche bien. Et As doit savoir quand est-ce qu'il marche bien, peut-être, mais a priori. Mais c'est vrai que les wets, c'est quand même pas du tout le pneu préféré des pilotes. Pour ceux qui disent que c'est un pneu inutile, je pense que Pirelli s'est bien régalé de ses premiers tours en montrant qu'il était peut-être pas si utile que ça, ce pneu. Ah, bah c'est clair, c'est clair. Donc voilà, non, bah voilà, effectivement, Steck devait tenter ce pari, quitte à arrêter les. Mettre les... Et, non, non, il serait bon pari, effectivement. La voiture marche pas, on tente les réglages full wet et au cas où la course est sous la pluie totale. On imagine même que Ocon ne ferait pareil, que Alpine pourrait tenter le même pari, ils l'ont pas fait. Ça aurait très bien pu être la pluie pendant tout le long de la course. Hein. La météo était tellement incertaine pendant tout le long de la course que ça aurait pu être très bien le cas. Mais même avec ces réglages-là, mais avec la pluie, ils étaient quand même très lents. Donc Steak, qui sont à la ramasse là, sous ce coup-là. Et Joe, ouais, je pense que c'est plutôt ça qu'il faut noter, c'est que Joe, il est vraiment perdu là. Et le fait qu'il ait encore un espoir, lui, de rester en F1, ça m'étonne vraiment. Même certains puissent l'imaginer retourner chez Alpine, peut-être. En tant qu'ex-junior Alpine, je veux dire, si Joe revient chez Alpine... Bah on l'a dit, c'est lié au partenariat avec oui, voilà. Si Joe revient chez Alpine, effectivement, il y aura un truc qui va se goupiller avec Joe. Pour des raisons sportives. C'est ça, exactement. Mais là, il ne mérite plus du tout sa place. Et en fait, il est en train de nous faire un décrochage comme l'a fait Latifi, quoi. Ouais. C'est un peu ça. Hein. Il décroche et Bottas, en fait, lui qui doit en plus sauver sa place, bah, je pense que lui il se sort les doigts, comme on dit. Et donc il aligne les belles perfs qu'il peut avec cette voiture-là. Mmh. Et du coup, bah, voilà, l'écart qu'on avait au tout début de leur duo, bah, on le retrouve de nouveau. Et voilà. En fait, c'est toujours pareil. C'est un Bottas aussi, bah, ça marche au moral ou alors au bâton, quoi. Quand il faut trouver une place, on se bouge un peu, quoi. Donc, que Villeneuve fasse une sortie, Sergio. Moi, je vais lui suggérer. Non, mais c'est vrai que c'est. Alors, je vois Lambo Diablo qui dit chez Sauber, on travaille peut-être plus en coulisses. Malheureusement, les coulisses, c'est beaucoup à Neubourg sur la partie moteur. Et après, la partie de châssis pour Audi, c'est pas encore le cas. Il y a quelques travaux de fait, mais. On a tellement peu d'infos et de toute façon ils n'ont pas le droit de bosser sur les grosses parties du règlement avant début 2025. Donc pour l'instant malheureusement je crois que c'est plutôt le niveau de l'équipe qui est représenté là. Hein. C'est recrutement, organisation. Après ça vous empêche pas de faire du bon opérationnel, de faire du bon développement, même si c'est pas la monoplace de 2026. Rien ne vous interdit de commencer à vous exercer à faire sortir des bonnes pièces quoi. C'est ça. Je veux dire c'est pas l'excuse de 2026. Elle a bon dos. Mais c'est pas pour ça qu'il faut abandonner. Donc voilà, Bottas a appelé à beaucoup plus d'améliorations et à des améliorations plus importantes. Ouais. Donc lui, il met la pression, même s'il sait qu'à 99%, il ne sera pas retenu par l'équipe et qu'il se retrouvera soit chez Williams, soit chez Alpine, soit chez As. Je veux dire, voilà. C'est à peu près ce qu'il. Il a sauvé sa place en F1, mais pas chez Audi, ça c'est à peu près sûr. Ouais. Donc voilà, c'est. On ne sait pas ce que fait Sauber. Il y a une huile en tout cas en ce moment. En tout cas, les pièces sortent pas très rapidement. Non. Malgré le budget, bon, qui est pas faramineux non plus. Je pense pas que tout le budget soit là pour ça, mais c'est pas du tout rassurant quoi. En tout cas, en termes de. Pourtant, il y a James qui. Ouais. Voilà, oui. C'est vrai qu'il y a quasiment pas une fin de séance où les pilotes ne parlent pas d'évolution. Il y a pas une déclaration où il y a pas le mot évolution dedans en disant qu'il en faudrait plus quoi. C'est ça. Ou alors, mais ils en avaient apporté, hein, je crois. C'était quand il y a deux grands prix. Hein. Oui. Oui, à Imola, il y en avait, mais bon. Il y a eu d'importantes évolutions. Voilà, oui, Imola. Pour les écrous de roue, notamment. Les évolutions des écrous de roue, là. Ils en ont mis 5, en fait, comme sur vos voitures à vous. Ils sont mis moins avec ça, ça tiendra. De façon NASCAR, à l'ancienne, à la NASCAR, parce que eux sont passés au central. Oui, mais je suis d'accord avec Alka qui dit Joe pour moi il est en train d'enterrer la moindre piste s'il en avait pour l'année prochaine. C'est vrai que là le 9-0 face à Bottas et puis le fait qu'il y soit plus du tout Alpine, ouais. Même s'il y a du commercial derrière, tu peux pas sauver un pilote comme ça, c'est compliqué. En même temps, Bottas hein, rappelle qu'il est quand même pas fini et que ça reste un bon pilote de milieu de grille peut-être. Hein. Ça c'est certain. Ouais. Je pense que c'est un peu le cadeau empoisonné pour Joe parce que Bottas est souvent vu comme un pilote qui se faisait détruire par Hamilton, mais en même temps se faire détruire par un Hamilton de 2020-2021, c'est pas la honte non plus. Et derrière, il a une cote qui est un peu basse, alors que il fait des très bonnes perfs. Il a fait une saison 2023 qui était compliquée, mais début 2022 et puis son début de saison 2024, c'est un pilote très solide. Donc Je pense que malheureusement pour Joe, qui notamment fait face à un Bottas qui est un excellent pilote en qualif, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était un pilote qui était capable de battre plusieurs fois de suite Lewis Hamilton en séance de qualif à l'époque où ils étaient équipiers, bah c'est compliqué quand tu t'appelles Guanyu Zhou de lutter contre ce gabarit de pilote-là. Mais effectivement, après, là, il tombe un peu sur le mauvais truc où il a un équipier qui n'est pas forcément le plus haut coté, mais qui fait des bonnes perfs au volant d'une voiture qui est nulle part. Et en fait, bah, lui, il se retrouve toujours au fond de peloton, au fond de grille. Il est toujours dernier, enfin, très souvent dernier en qualif, dernier en course, quoi. Donc c'est compliqué. C'est pas le pilote le plus faible du plateau désormais. Ça se joue avec Logan Sargeant pour moi. Ah, Sargeant a quand même montré de bonnes choses. Ouais, Sargeant est plus rapide, je pense, sur un tour que Joe en ce moment, mais il est beaucoup plus brouillon, surtout en course. Donc, ouais. Il sort quand même 3 fois hein, en course, Sargeant. Hein, donc... Il a quand même Albon face à lui, qui pour moi est un cran au-dessus de Bottas dans la F1 actuelle. Mais, parce que bon, on y reviendra après de toute façon sur Williams, parce que là aussi c'est pareil, je pense que ça boue un petit peu en interne. Mais on va d'abord parler d'une équipe qu'on n'a pas l'habitude de voir à cette place-là dans l'émission, puisqu'on va parler de Ferrari. Comme vous pouvez le voir sur votre écran, Ferrari c'est did not finish pour les deux pilotes après une qualif qui a été très décevante hein, puisque les deux se font éliminer en Q2. Du vendredi au dimanche, c'est décevant. Donc, c'est ça. Le vendredi ils étaient pas très bons et puis on se disait bon bah ils préparent. C'est vrai que le vendredi c'était compliqué de tirer des vrais enseignements parce qu'au final les séances avaient été perturbées. Donc on se disait encore que peut-être c'était pas bien grave. Mais voilà, le fait est qu'en qualif, ils sont sortis tous les deux en Q2, 11e et 12e, et puis ben, la course, Sainz retombe un peu dans ses travers avec des erreurs et puis et une voiture endommagée par ses erreurs. D'ailleurs, comme a dit Vasseur, il a fait l'aileron, il a fait le plancher, il a un peu tout fait. Voilà, donc, peut-être qu'il vaut mieux tout faire d'un coup, mais il a fait un peu toute la voiture. Et puis Leclerc a eu un problème moteur qui lui coûtait 1,5 seconde au tour dans les lignes droites. Donc là, et qui, une fois qu'il a été corrigé par un reset du volant, n'a pas été en fait entièrement corrigé, puisque la voiture avait une distribution de couple totalement aléatoire, et en fait elle était inconduisible, puisque le couple venait n'importe comment. Donc ça lui a ruiné sa course, et ça a conduit à l'abandon, et l'abandon de Sainz, c'est sur une erreur où il fait un tête à queue, et il va taper Albon qui passait par là. Alors, Lambeau des Bleus dit, j'espère que c'est un épiphénomène chez les Rouges. Moi, j'y crois. Je pense que c'est le week-end, tout ce que les Anglais appellent le perfect storm, où t'as la voiture qui est mal préparée, qui fonctionne moins bien sur le tracé, les emmerdes qui arrivent en même temps. Et puis, au final, pour moi, je pense qu'ils sont de retour à jouer le podium, voire mieux à Barcelone. Alex. Oui, je pense que bah, les conditions de piste étaient totalement différentes de celles de Monaco. Hein. Conditions, la chauffe des pneus qui a dû aussi poser beaucoup de problèmes à Ferrari. Donc c'est là où on voit, hein, avec des écarts qui sont évidemment très serrés, le fait que les conditions de piste sont modifiées, ça peut absolument changer la hiérarchie. Hein, et je pense que voilà, Leclerc et Sainz, après les qualifs, ils avaient l'air de dire tiens, on a raté un truc dans l'opérationnel en réaction immédiate. Mais la vérité, c'est qu'ils avaient simplement pas assez de rythme. Hein, et fondamentalement, est-ce que la performance fondamentale des voitures, est-ce que c'est une notion qui a vraiment du sens finalement, en tout cas elle a du sens mais dans une certaine limite puisque les performances vont vraiment varier en fonction de ces conditions, donc il y a eu je pense un bras loupé du point de vue des réglages de ce point de vue chez Ferrari qui sont évidemment déjà identifiés et donc il y a voilà, c'est aussi le signe qu'on vit une saison enfin, beaucoup plus passionnante qu'on pouvait le penser à Bahreïn, c'est que les performances peuvent fluctuer, toutes les lignes d'affaires de chauffe des pneus, les conditions de piste, la nature de la piste et puis course après, bah, voilà. ils ont eu pas de chance, donc voilà, c'est plutôt un œuf, c'est plutôt une exception pour moi, mais voilà, hein, la course de développement, bah, voilà, Barcelone. On sait qu'il va y avoir de nombreuses évolutions chez toutes les équipes, Ferrari peut être en fait très rapidement décroché, hein, si je ne suis pas en termes d'évolution. C'est ce que disait Leclerc, il disait qu'il fallait quand même pas se louper parce que les autres équipes reviennent. Mais finalement, après, je pense que ce qui a aussi renforcé cette impression d'échec absolu, c'est le fait que 2 semaines avant, c'était eux qui triomphaient facilement, qui triomphaient de manière nette avec une victoire, une 3e place et la pole à Monaco, et que là, ils sont nulle part. Je sais pas si tu penses que ça a joué aussi dans cette espèce d'impression de catastrophe, Franck. Ah oui, forcément. Bah, après, en plus, c'est vraiment le pire week-end de Ferrari depuis le début de l'année aussi. Donc, être autant décroché que ça des performances des Red Bull ou des McLaren, ça aurait été pas arrivé du tout depuis le début de la saison. Donc c'est sûr que ça a surpris. Se faire éliminer comme ça en courant de Q2, même s'il y a l'explication effectivement qu'ils sont partis avec leur train de pneus neuf en tout début de Q2 parce qu'ils craignaient l'averse, et donc ils n'ont pas roulé au meilleur moment de la piste. Ils ne passent pas la Q3 pour pas grand-chose, mais ils ne passent pas la Q3 quand même, alors qu'ils devraient pouvoir la passer facilement, je veux dire. Donc, y a ça. Je pense qu'après, je ne peux pas tout reparaphraser ce qu'a dit Alex sur les erreurs de réglage, certainement, c'est peut-être une partie du mauvais pied. Maintenant, je me pose aussi une question du côté de la gestion d'énergie, parce qu'on sait quand même qu'à Imola, c'était un sujet que Leclerc avait souligné, comme que les autres équipes géraient leur moteur et leur relance différemment. Est-ce que ça a aussi été un paramètre sur ce circuit du Canada où il y a énormément de relances? Voilà. Donc, malheureusement, Ferrari ne fait pas de débriefing, ou très rarement de débriefing des Grands Prix, comme le peut le faire Mercedes. Mercedes le fait toujours en toute transparence. Ces débriefings, en général, le mercredi ou le jeudi, vous avez toujours les déclarations après le Grand Prix, plus analysées, plus techniques. Je ne sais pas si Ferrari nous expliquera de manière plus technique ce qui s'est passé au Canada. Je pense qu'ils se fonderont un petit peu peut-être un communiqué ou d'un des ingénieurs de piste ou performance qui nous expliquera effectivement ce qui est arrivé, parce qu'effectivement c'est le gap était quand même assez énorme. On parlait pas de 2 ou 3 dixièmes, là on était quand même sur plusieurs dixièmes, voire 5 ou 6, hein, je crois à peu près, ouais, à peu près, ouais. Donc on était quand même sur une grosse valise, hein, pour un circuit comme le Canada, surtout quand on a le moteur le plus puissant que Ferrari était quand même affiché clairement comme la favorite du, voilà, parce qu'en termes de vitesse de pointe, c'est meilleur que Red Bull, hein, cette année. Donc voilà, c'est effectivement la grosse douche froide, la grosse surprise pour tout le monde. C'est tellement la douche froide qu'effectivement tout le monde parle effectivement, comme tu dis, le perfect storm, l'orage parfait. Et d'ailleurs, il n'y a pas eu de réaction extrêmement critique, négative, révolution de palais en Italie, dans la presse. Voilà, je pense que tout le monde a pris le coup comme ça en disant effectivement, ouais, voilà, c'est arrivé là, que ça ne se reproduise plus, quoi. Voilà. Ouais, je pense en général, souvent un peu quand il y a les conditions changeantes, un peu comme ça, c'est toujours un peu comme ça dans ces conditions-là que Ferrari arrive à se prendre les pieds dans le tapis. Donc là, effectivement, ne pas savoir régler correctement la monoplace dans ces conditions-là, c'est peut-être un peu dérangeant. Mais bon. Ouais, c'est ça. Et comme le dit Garnat, effectivement, dommage pour les points en championnat, parce que du coup, c'est le week-end où les 3 autres équipes marquent pas énormément de points. Il y a personne qui marque du 30 ou 40. Mais en même temps, il y a quand même 3 équipes qui marquent plus de 25 points, donc leurs 3 rivales précisément. Et c'est vrai que c'est un petit peu... Bon, après, Mercedes, c'est pas trop grave. McLaren, c'est plus embêtant. Red Bull, ils ont qu'une voiture. Donc, bon. Pour une voiture à 25 points, vous me direz, mais une seule voiture. Oui, c'est ça. Heureusement, Ferrari, il n'y a qu'une voiture qui marche. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est ça. C'est un peu l'idée, mais du coup, ça reste quand même... Je pense que ça reste quand même... Enfin, c'est pas grave pour Ferrari. C'est un joker qui est brûlé. Il faut pas qu'il y en ait plusieurs dans la saison. On sait qu'une équipe qui veut jouer les titres, parce que malgré tout, même si là ils prennent l'avance, le retard est doublé, mais ils gardent quand même cet objectif. Quand on veut jouer aussi haut placé, on n'a pas le droit, on peut pas se permettre un zéro pointé dans la saison, ou en tout cas pas plus d'un, ça c'est sûr. Ouais, premier zéro pointé depuis Australie 2023 pour Ferrari et voilà. Donc c'est de manière immédiate, hein, au vu des faibles écarts, on peut noter que donc Red Bull avait 24 points d'avance sur Ferrari avant ce Grand Prix. Désormais, ils ont le double, 48. Enfin, 49. Plus du tout. Donc, ça va très vite. Ouais, c'est ça. Et premier zéro pointé depuis Australie 2023 et première double élimination avant la Q3 depuis Baku 2022. Non, pas Baku 2022, j'ai une connerie. J'ai vu ça, bien, parce que Baku 2022, Leclerc fait bien, je crois. Donc, non, mais c'était en tout cas 2022, ça, c'est sûr. Mais voilà, donc après, moi je pense que je m'inquiète pas pour Ferrari, malgré tout la dynamique est bonne pour eux, mais c'est vrai qu'on voit que c'est comme tu disais, Franck, les évolutions vont être cruciales et malgré tout le fait de se retrouver quatrième force du plateau est pas non plus impossible pour les équipes qui sont actuellement devant, quoi. Et donc, ça joue à un dixième, ça marche pour Red Bull aussi, ouais, c'est ça. Ça joue entre 1 et 2 dixièmes, donc ça va être une équipe qui peut être première, peut être quatrième en l'espace d'une évolution d'une autre équipe. C'est ça. Mais c'est la F1 qu'on veut. C'est voilà, c'est accepter que son équipe favorite peut gagner un Grand Prix et finir sixième ou septième le Grand Prix suivant. Et voilà, tout le monde en rêvait effectivement de cette fin-là où tu peux avoir une dizaine de vainqueurs potentiellement différents à chaque Grand Prix. Donc voilà, on l'a, donc maintenant il faut réussir à accepter que dans nos débriefs de Grand Prix, pour une fois, on ne parlera pas de Ferrari première et de Ferrari cinquième. Ça peut arriver, c'est ce qu'on souhaite. C'est ça, exactement. C'est vrai que c'est pour ça, ça nous, Ça nous permet de faire des. Bon, c'est bien, ça permet aussi de faire des émissions un peu différentes aussi, avec pas mal de problématiques à soulever. En fait, on voit ça met en valeur toutes les problématiques de la F1 actuelle, à commencer par l'exploitation des monoplaces et les conditions de météo qui sont quand même assez compliquées. Et donc, dernière équipe dont on parle, ce sera également une équipe qui a fait double abandon, Williams. Alors, Albon rentre en Q3 et pouvait viser des points avant de se faire gêner par un premier incident. Puis, bah, d'ailleurs, c'était celui de Perez, je pense. Se faire percuter par Sainz. Et Logan Sargeant fait sa meilleure qualif de l'année, 13e, mais fait deux erreurs en course, dont une qui provoque la safety car et qui provoque son abandon. Donc, malheureusement, je pense que c'est ce que retiendra Williams, parce que on s'est fait la réflexion avec Franck que dans le débrief d'après-course, Sven Smets parle de. Donc, qui est le directeur sportif de Williams, parle de Sargeant pour la safety car qu'il lance, et en fait de l'effet que ça a eu sur la stratégie d'Albon, mais c'est tout. Il n'en parle pas sur sa course lui-même, donc je pense qu'il y a un petit peu de. Je pense qu'il y a un petit peu d'agacement autour de Sargeant en interne chez Williams, et à mon avis, je reste toujours sur la possibilité de voir pas finir la saison. Oui, et puis James Walsh l'a dit aussi, hein, c'est, il n'est plus du tout. Enfin, il ne l'a pas dit comme ça, mais il n'y a plus que deux options très claires pour Williams pour son pilote l'année prochaine. En gros, c'est Carlos Sainz ou Valtteri Bottas, à mon avis. Oui. Donc, du coup, ça éligne d'entrée de jeu Logan Sargeant. Et effectivement, on l'a dit, Logan Sargeant qui pourrait être. Voilà, si Kimi Antonini est vraiment le petit phénomène que Toto Wolff surveille de près, s'ils arrivent à avoir la super licence avant. 6-18 ans, ou alors à Monza, je pense qu'ils n'hésiteront pas effectivement à le former en avance chez Williams. Et chez Williams, ils sont très contents d'avoir un autre pilote, même s'il débute, qui fera de toute façon peut-être mieux que Sargeant, parce que Sargeant n'a réussi pas à marquer des points. Le seul point en plus qu'il a marqué en F1, on vous rappelle, c'était aux États-Unis l'année dernière, c'était suite à une disqualification d'une Ferrari, je crois d'ailleurs, ou une nouvelle place, qui était 11e, il passe 10e. Donc en fait, sur le papier, il n'avait même pas fini. C'était la double disqualification de Hamilton et Leclerc. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Il fait 12 et il classait 10. C'est ça, exactement. Donc il, donc, il profite de ça. Donc, c'est-à-dire qu'il n'était même pas rentré dans le top 10 officiellement. Enfin, donc voilà. Malheureusement pour Sargeant, c'est pas un mauvais pilote, hein, clairement, mais toujours trop brouillon. Donc, et puis ça casse. Et aujourd'hui, dans les fins d'aujourd'hui, il faut beaucoup, pas casser. Donc voilà, Perez, il a cassé beaucoup aussi. Mais il faut plus casser. Perez, il casse, mais il rembourse par les ventes de canettes et de merch. Mais quand tu peux pas rembourser le budget de cap, c'est quand même gênant. Ça, c'est le problème. Donc, tu peux bien apporter 150 millions à l'équipe. Tu peux pas les investir, ça sert à rien. Bah, ouais, attention toujours aux pièces de rechange, hein, chez Williams. C'est ça. Donc ouais, ouais, Albon encore une fois un super super super week-end, hein, je veux dire, il prouve encore si besoin en était de que c'est vraiment un top pilote et que voilà, et James Walls est vraiment ça va bouger avant Barcelone, hein. Cette semaine, je pense pas qu'on a d'annonce cette semaine, mais courant semaine prochaine, avant la conférence de presse des pilotes le jeudi, je pense qu'on aura au moins une annonce, si ce n'est pas deux ou trois, où ça devrait vite bouger entre Williams, Haas probablement et Audi, Alpine, peut-être Alpine un pilote, si le jeu des dominos joue à plein, normalement ces quatre là devraient assurer chacun au moins un pilote ou le deuxième. Et donc voilà, c'est un petit peu l'actu William, c'est surtout Carlos Sainz, hein, c'est clairement c'est ça, hein, c'est James Walsh qui n'a pas arrêté de faire des appels du pied en disant que William c'est maintenant une équipe bien différente de ce qu'elle était avant et que Carlos était très très content des jolies paroles. Ouais, mais que Carlos a été annoncé comme ayant signé et que ce serait annoncé avant l'Espagne, oui. Et il a déboîté les médias espagnols en disant qu'il parlait sans savoir. Et que c'était dommage qu'ils osent encore se permettre ce genre de choses et qu'ils le fassent en toute impunité. Donc c'est un discours qu'Alonso avait eu l'an dernier sur les médias espagnols déjà. Et Carlos en a eu un peu marre parce que c'est vrai qu'il avait été annoncé comme ayant signé chez Williams par... c'est pas fait. Hein. C'est 50-50 entre Audi et Williams. Je pense que là, comme il dit, c'est un choix avec lui-même en fait. Ça. C'est voilà, sur quoi je parie pour l'avenir. Exactement. Et en tout cas, voilà, donc je pense que c'est pas encore fait, mais effectivement, on devrait avoir des annonces. Quand on voit Steak... Et le niveau actuel de Steak, plus le fait qu'Audi était un tout nouveau motoriste, qu'on voit comment Williams progresse et que Mercedes, ce qu'ils savent faire en termes de moteur, je serais Carlos, bizarrement. Le ticket Williams, il est vachement plus attrayant. Il est plus sexy, en tout cas à court-moyen terme. Peut-être pas à long terme, mais à court-moyen terme, c'est plutôt le ticket Williams qu'il faudrait gratter. C'est ça. C'est mieux que Jacques Doohan, Joe. C'est ça fait plus rêver. Non, mais c'est ça, c'est vrai que ouais. Moi je pense que Sainz ira quand même chez Williams à terme, mais parce que lui son plan c'est aussi de se relancer et Ouais. d'essayer de retourner dans un top team. Alors soit d'avoir une équipe qui remonte rapidement à être un top team, mais bon, c'est vrai que Stake et Williams, il faudra un peu plus de temps, je pense. Et auquel cas, il faudra, pour lui, c'est avoir des résultats immédiats. Et je pense que dans une carrière de pilote, une année 2025, comme Stake risque d'en passer une, ça peut peser. Alors, Hülkenberg, non, parce que lui est sur la fin de carrière, c'est probablement son dernier contrat avec Audi. Mais pour un Sainz qui, lui, veut toujours être champion du monde un jour, je pense que à l'instantané, il vaut mieux aller chez Williams. Le pari Audi pourrait être quand même sacrément risqué, malheureusement. C'est ça. Mais pas à cause d'Audi. Après, moi, je pense que Williams pour Sainz, ça restera une équipe de transition. Hein, dès que, évidemment, Red Bull et Mercedes, imaginez, lui proposent un contrat ou même McLaren, on sait jamais. Je pense qu'il file hein, tout de suite. Hein. Oui, ça c'est certain, j'en suis convaincu aussi. Gernat demande, petite question, est-ce que vous pensez que la motivation sera la même pour Sainz en étant chez Williams? Est-ce qu'il ne peut pas perdre son potentiel? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, bah, si elle est bonne à Oui. prolonger, moi je veux dire, si elle est bonne à prolonger, c'est qu'il y a vu de l'intérêt. Et je pense que James Wolff est vraiment un patron d'équipe qui est aussi extrêmement rassurant, aussi bien dans sa méthode que dans ses propos, que dans son management, que dans tout ce qu'il avance. Voilà, ce qu'il dit, c'est fait. Et puis on sent effectivement comme une équipe qui a vraiment envie que ça bouge, quoi. Donc, non, et puis il y a des choses qu'il a réussi à obtenir aussi au niveau du CAPEX. Ouais, Des choses qui vont faire. Alors certes, Williams part de loin en termes d'infrastructure, ils vont pas tout rattraper en un an ou en 2 ans, même s'ils pouvaient, même s'ils décrochaient, je sais pas, 300 millions, 400 millions d'investissements, ils pourraient pas parce que c'est limité. Donc forcément, il y aura du temps de remise à niveau, mais vu ce qu'ils arrivent à produire actuellement comme Formule 1, qui est quand même, voilà, Albon, il est quand même à moins d'une seconde quand même des meilleurs, et on est comme sur la 3, voilà. Donc ouais, non, Williams sait faire bien avec peu. Quand l'équipe est bien gérée. Et maintenant, l'équipe est enfin bien gérée. Donc ça, plus un moteur Mercedes en 2026, ça peut faire des trucs sympas. ouais, je pense que voilà, il vise vraiment 2026 et c'est un désaveu pour Nebo et le programme moteur de Audi, hein, forcément. Je pense qu'il doit y avoir des indiscrétions dans le paddock qui circulent. Hein. Mais après, voilà, pour Sainz, moi, je reste convaincu que c'est un choix par défaut quand même. Oui, son premier choix, je pense, c'était de rester chez Ferrari, hein, de toute façon. Ah, mais de toute façon, oui, Ah là, bah ça oui, ça c'est sûr. Ouais. le problème, c'est quoi, à moins que Hamilton se casse une jambe, ou pire, je lui souhaite pas de malheur, mais voilà, Qu'il décide c'est. finalement d'arrêter sa carrière, mais je crois pas trop. Non, voilà, c'est ça. À moins d'un truc choc, il n'y a aucune raison que Leclerc-Hamilton, ce ne soit pas le duo aligné par Ferrari en 2025. Mais évidemment que Sainz aurait voulu rester. Évidemment que si Vasseur n'avait pas pu avoir Hamilton, il aurait prolongé avec Sainz. C'est une évidence pour moi. Mais après, Williams, avec deux pilotes comme Sainz et Albon qui savent développer des voitures, qui savent porter une équipe et qui casseront sur le moment de l'équipe. Parce que c'est vrai que c'était dans le chat Xoans qui disait Williams pourra bien développer parce qu'ils auront plus Sargent. Et c'est pas faux, parce que quand tu casses énormément de pièces, tu demandes de la production de pièces déjà développées et tu empêches le développement des nouvelles pièces. Donc là-dessus, on peut se dire que Williams avancera plus vite aussi sans Sargent en termes de. D'évolution de l'équipe et des voitures. Donc, Ils ont gardé le tableau Excel juste pour Sargent parce qu'ils ne voulaient pas faire rentrer ça dans les il y a un peu de ça, je pense. Non, mais c'est vrai que voilà, forcément. Et puis encore une fois, avec un duo Albon Sainz, tu progresses pour moi, à mon avis, très C'est très vite. pour ça que Sainz va être pris, c'est que sur son CV, il a mis maîtrise d'Excel. On va la sortir à toutes les émissions jusqu'à la fin d'année. Ça, Ah Excel, voilà, ça va être le maître mot à sortir au moins une fois par émission. c'est tellement incroyable en même temps. Pour rappel, En pour même ceux temps, qui l'ont. Sainz, il est bon, hein, c'est un pilote qui excelle. C'est ça. Mais non, mais c'est vrai que pour ceux ou celles qui ne savent pas de quoi on parle, enfin James Vowles et le management nouveau de Williams ont découvert que l'équipe fonctionnait encore sur la gestion logistique avec un seul fichier Excel. Donc, on vous laisse imaginer le retard qu'avait pris l'équipe par rapport, dans la gestion en fait au fil des ans, et notamment à l'époque Frank Williams, Claire Williams, où il y a eu un sérieux laissez-aller, et puis des gens comme Jos Capito n'ont pas fait ce qu'il fallait pour que ça change. Donc, c'est un peu compliqué. À sa décharge, Albon a aussi cassé un châssis en Australie, mais Albon casse une voiture par an, là où Sargent en casse une par week-end. Donc au bout d'un moment, on peut pas non plus comparer pour moi les deux. Même si effectivement, après, les pilotes sont pas parfaits, mais bon, on est en Formule 1, donc de la casse, il y en a quand même. Donc voilà, en tout cas, on a fait le tour de ces résultats du Grand Prix du Canada. Merci à toutes et tous d'avoir été nombreux. On rappelle que vous pouvez nous soutenir, petit passage pub, parce qu'on ne l'a pas fait avant, mais c'est vrai qu'on le fait quand même maintenant. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à la chaîne, en envoyant en offrant des abonnements, en vous abonnant avec Prime, puisque si vous êtes abonné à Amazon Prime, vous pouvez avoir un abonnement à Twitch gratuit que vous pouvez décider d'offrir à Nexgen Auto, ce qui vous permet de pouvoir regarder les émissions de manière illimitée et puis de pouvoir nous soutenir, parce qu'encore une fois, on essaye de développer le contenu, je cherchais le mot, sur la vidéo. On va peut-être essayer de faire quelque chose de la semaine prochaine, puisqu'il n'y aura pas d'émission en début de week-end, en début de semaine, pardon. Donc peut-être qu'on fera un FAQ, ou s'il y a une news d'ici là, évidemment, on prendra l'antenne comme d'habitude pour vous la débriefer. Et puis après, on partira sur 3 semaines de suite où on aura Grand Prix, puisqu'il y a 3 courses qui s'enchaînent. Donc dans tous les cas, voilà. Si on est abonné, on a le droit au replay sur F1 TV. Non, ah. Malheureusement, nous n'avons pas encore ce genre d'influence sur le milieu de la Formule 1 en France. Mais effectivement, ça, bon, après, que pensez-vous des restrictions en France de F1 TV? Moi, je trouve ça très dommage, mais... C'est les accords entre le canal, voilà. On ne sait pas ce qui se passe exactement en arrière-plan. C'est juste effectivement, c'est très dommage, parce qu'à la fin, c'est les fans qui sont les premiers pénalisés. Ça, je serais très critique si Canal n'avait pas une couverture à la hauteur, mais Canal a vraiment une excellente couverture de la F1. Je pense qu'on peut strictement rien reprocher à Canal+. Évidemment, ça coûte cher, l'abonnement coûte cher. Ouais. Il n'y a toujours pas d'abonnement spécial sport chez Canal, avec une chaîne spéciale sport où on pourrait se passer du cinéma. Ça, parce qu'effectivement, j'entends les gens qui disent « moi, le cinéma, j'ai rien à faire ». Et ça, peut-être qu'un jour Canal l'entendra, ils feront un abonnement spécial sport pour le foot et la F1, et il n'y aura pas le cinéma, et peut-être qu'effectivement, à 10 euros par mois, je pense que du coup, ce sera acceptable. Maintenant, je peux pas critiquer Canal+, parce qu'ils font une excellente couverture, et je critiquerai beaucoup plus la restriction de F1 TV, si effectivement, à côté, en France, on avait quelque chose de déplorable, ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà, on est vraiment une des meilleures couvertures de la F1 au monde, quasiment au niveau de Sky F1 en Angleterre, qui est la meilleure couverture, et d'ailleurs qui sert d'ailleurs de couverture de base pour F1 TV aussi. Donc il n'y a vraiment rien à reprocher de ce côté-là en France. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés Canal, je comprends que ça peut être cher. Maintenant, négocier avec Canal+, c'est quand même assez facile pour tomber à des 15-20 euros par mois. Voilà, ça reste plus 3 fois plus cher que F1 TV, ça fait quand même chier. Ça reste une somme, mais bon, si vous êtes un peu fan de cinéma aussi, ça vous évite aussi d'aller au cinéma. Donc, considérez que comme une place de cinéma maintenant, c'est 15 balles. Ça peut être aussi un choix à considérer. Donc, voilà, je vais pas faire de la pub pour Canal. Diviser la F1 dans les salles de cinéma. Ah, voilà, je vais pas faire de la pub pour Canal, mais c'est aussi un peu notre sport aussi. La F1, ça notre gagne-pain. Donc, plus il y a de gens qui regarderont la F1, forcément, et plus tout le monde s'emportera, et plus les fans et nous-mêmes nous emporterons bien. Mais voilà, si je fais de la pub pour Canal+, c'est parce que je trouve que leur couverture est absolument excellente et ne mérite pas la critique. Voilà. Ouais, non, ça, je suis d'accord. Après, moi, je critique pas Canal+ pour la couverture, mais c'est vrai que bon, c'est le problème, c'est. Essentiellement le prix qui est quand même plus élevé. Merci à Partimode de s'être abonné, merci à Clémence qui s'était abonné en début d'émission aussi, et puis de toute façon après pour les autres n'hésitez pas, même lors des prochaines émissions, hein, puisque c'est pas obligatoire que ce soit maintenant, mais en tout cas vous pouvez toujours nous soutenir, et nous de notre côté, comme on vous avait dit, on s'engage aussi, plus on a de soutien, à consacrer du temps à la chaîne et donc forcément à faire plus de live et ce genre de choses. Moi je vais mettre en place aussi des petits trucs pour que vous puissiez envoyer des choses, enfin des interactions aussi qui peuvent aider, avec des bits, des genres de choses, des points de chaîne, etc. Ça, c'est toujours des choses aussi pour que la chaîne évolue et soit un peu plus interactive avec vous, même si évidemment on essaie déjà d'être très interactif au niveau des réponses à vos commentaires. On essaie de tout lire, hein. C'est vrai que pour l'instant on a la chance de pas avoir trop de monde, entre guillemets, comme tu disais Franck la dernière fois, on peut essayer de répondre à peu près à tous vos commentaires. Et puis voilà, donc merci encore à toutes et à tous. Et puis on se retrouve peut-être la semaine prochaine pour une émission s'il y a de la news, ou j'ai la question de Nico dans le chat qui m'a perturbé. Vous évoquez la rumeur Alpine qui aurait un moteur Mercedes en 2026. Non, on n'a pas évoqué, on n'a pas eu cette rumeur. Les ingénieurs d'Anston ont eu raison. C'est une rumeur qui date un peu, ça. C'était il y a plusieurs années déjà, où effectivement, il y a eu bisbille entre les ingénieurs d'Enstone et Dirry. Voilà, c'est ça. Voilà, mais c'est pas pour 2026. C'est tellement une fracture que les ingénieurs d'Enstone avaient demandé, pas vraiment pour rigoler, je pense, mais tout simplement pour la nouvelle idée de est-ce qu'on serait pas plus performant avec un moteur Mercedes. Voilà. Mais si après, il y a vraiment une rumeur qui revient comme ça, c'est un désaveu absolu pour le C'est peut-être la gestion actuelle de l'équipe. Ouais. Mais bon, non, pour l'instant, en tout cas, pas de nouvelles de notre côté. En tout cas, merci à toutes et tous. On se retrouve très prochainement, de toute façon, sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous tenir au courant sur nos réseaux sociaux et sur le site, évidemment, puisqu'on en parle aussi. Les lives, les replays sont toujours disponibles, évidemment, sur YouTube et en podcast. Il y a un peu plus de délai des fois en podcast, parce que soit j'envoie pas assez vite à Michael, qui gère toujours la mise en ligne, soit parce que lui aussi est un peu occupé. Mais en tout cas, dans tous les cas, deux jours après ou plus tard, c'est toujours en ligne. Merci à toutes et tous, bonne soirée, merci Franck, merci Alex, et bien merci. À bientôt. Au revoir, bonne soirée, au revoir, ciao.